En direct du Yogi Berra Stadium sur le campus de l'Université d'État de Montclair à Little Falls, dans le New Jersey, aux États-Unis. Vous écoutez les Aigles de Trois-Rivières. Avec Simon Laliberté à la description du match et Louis-Simon Gauthier à l'analyse. L'équipe de CIFO vous souhaite un bon match sur les ondes du 89 FM. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du Stade Yogi Berra au New Jersey. Aujourd'hui, c'est fou 89-1 vous présente le cinquième et ultime match de cette série finale de la Ligue Can-Am entre les Aigles de Trois-Rivières et les Jackals New Jersey. À mes côtés, pour parler de cette rencontre, Louis-Simon Gauthier du Nouvelliste. Bon après-midi, Louis-Simon, ça va bien? Oh, ça va très bien, moi, Simon, et toi? Ça va super bien, très fébrile à l'approche de ce match, l'équipe qui l'emporte bien remporte le championnat de la Ligue Can-Am. Les Aigles, eux, tentent de remporter un premier titre et les Jackals, eux, tentent de remporter un pour une première fois depuis 2004. Les deux équipes qui n'ont pas savouré la victoire depuis très longtemps. Et du côté des Aigles, on va en parler dès le départ. Il y avait des rumeurs à savoir qui serait le lanceur partant pour le match de cet après-midi. On croyait que ce serait Matthew Rush, lui qui était lanceur partant lors du match numéro 1. Mais Rush est toujours ennuyé par cette blessure à l'épaule, n'est pas à 100% et on va envoyer le lanceur Mike Bradstreet sur la butte pour les Aigles. Exactement, Bradstreet qui est le cinquième partant des Aigles qu'on n'avait pas vu encore en série. Alors le voilà sur la butte, lui il a été en longue relève, Simon, dans le premier match à Rockland, ça fait quand même quelques jours de ça. Est-ce qu'il est capable, Bradstreet, de livrer la marchandise? La réponse c'est oui. La clé du succès, garder les tirs bas contre d'excellents frappeurs des Jackals qu'on apprivoise, ce qu'on voit depuis déjà quelques jours là, du côté des Trifluviens. Mais dans un match 5, vraiment, tout peut arriver. Ici, Mike Bradstreet en connaît un bon. Les Aigles, ça pourrait très bien aller pour eux. Pour être honnête, dans le cas de Bradstreet, peut être excellent comme il peut être médiocre. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'il y en est, puisque Bradstreet, tu le mentionnes, lorsqu'il garde ses tirs bas, il est bon puisqu'il n'a pas la vélocité des tirs des autres partants des Aigles. Mais un point qui peut avantager Bradstreet, c'est qu'il a énormément de mouvement dans ses balles, ce qui peut gêner le travail des frappeurs adverses. Ça va être le mot d'ordre, garder les tirs bas. Et dès que Bradstreet commence à voir les tirs un petit peu trop haut, l'entraîneur des lanceurs Matthew Rush devra réagir. La Forêt devra également réagir plus rapidement que peut-être d'autres matchs cette saison, puisque c'est ton dernier match. Tu as tous tes lanceurs dans l'entlot et tu dois les utiliser à bon escient, tout dépendamment comment le partant va bien là, ou pas dans le match. Il n'y a pas de lendemain. On a souvent vu des lanceurs partants, d'excellents lanceurs partants en relève en 7e ou 8e manche dans ce genre de rencontre. Alors aujourd'hui, là, vraiment, ça passe ou ça casse et il faut jouer toutes ces cartes, comme tu l'as si bien souligné, Simon. Et Maxime Poulin, l'entraîneur des lanceurs des Aigles, les frappeurs, pardon, il lui parle à tous les matchs. Aujourd'hui, il nous disait Bradstreet, c'est un gars qui est très peu nerveux. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Aigles. Bradstreet qui est en confiance lorsqu'il est sur la butte. Rien ne peut l'ébranler, nous disait-il. Et on aura la chance de le voir dès le début du match, puisque le début du match aura tout un impact sur le reste de la rencontre. Dans cette série, l'équipe qui marque le premier point a souvent l'avantage au final. Et c'est exactement ce qu'on doit faire du côté des Aigles, marquer des points dès le départ. Lorsqu'on l'a fait, bien l'équipe a souvent gagné. On pense à Hurtler qui frappe des balles et par la suite, les frappeurs 3 et 4 permettent à Hurtler de croiser le marbre. Donc, il y aura plein de petits points à regarder dans ce match-là. C'est un match numéro 5, un match qu'autant les Aigles et les Jackals veulent gagner. Là on parle souvent de l'assistance ici au Stade Yogi Berra qui est tranquille depuis le début des séries. C'est la même chose cet après-midi lors d'un match numéro 5. Et ça pourrait peut-être avantager les Aigles. Exactement. Écoute, d'un côté, t'as une équipe qui est tannée d'avoir l'étiquette de perdant éternel de la Ligue Can-Am, les Jackals du New Jersey. On discute avec des membres de l'organisation et ça nous irrite un peu là, du côté des Jackals et je peux les comprendre. Écoute, on a quand même réussi à se rendre en finale là, 4 années de suite. On n'a pas un mauvais club, mais il faut terminer le travail. Et là, il y a la pression, évidemment, du côté, entre autres, du gérant Joe Calfapietra. De l'autre côté, t'as les Aigles de Trois-Rivières. L'équipe d'expansion d'il y a 2 ans, les voisins sympathiques des capitales de Québec, qui sont devenus vraiment une excellente formation à partir du mois d'août, d'excellents joueurs. La filiale dominicaine qui a aidé, entre autres, Simon, à bâtir cette nouvelle équipe là, qu'on voit sur le terrain, une équipe que les partisans ont adoptée. Évidemment, pour les Aigles, ça changerait beaucoup de choses. Les partenariats, l'effet publicitaire, évidemment, et aussi le bouche-à-oreille par rapport aux joueurs qui se cherchent du travail dans le baseball indépendant. Je te dis, un championnat dans la Ligue Can-Am, ça rapporte beaucoup. Et ce serait un énorme pas en avant pour l'organisation des Aigles qui en a déjà fait un important cette année. On a parlé de Brad Sweet sur la butte des Aigles. On va maintenant parler de son opposant. Lui n'a pas obtenu de départ, lui aussi en série. C'est la même chose pour Brad Sweet, mais lui est un ancien des majeurs et l'instructeur des lanceurs des Jackals. Il a lancé 68 manches cette saison. Fiche de 5 victoires, 5 défaites, une moyenne de 4.01 de points mérités. Du côté des Jackals, on mise gros en envoyant notre entraîneur de lanceurs. Oui, Anthony Claguette, comme tu dis, son dernier départ, Simon, c'était contre les Saints de Saint-Paul à la fin de l'année. On se souvient, les Jackals ont terminé la campagne dans l'association américaine. C'est un pari osé, mais quand même. On parle du fait que Mike Brassett n'est pas un type très stressé. Claguette, lui, il a vu des balles des majeurs. C'est l'instructeur, il connaît tous ses lanceurs, tous ses releveurs. Il connaît tous les joueurs de cette équipe. Il est très respecté. D'ailleurs, il a commencé à lancer au mois de juillet quand les Jackals avaient plusieurs blessés. Et il s'en est quand même bien tiré. Alors, j'ai bien hâte de voir dans un match ultime comme ça, un gars qui a quand même beaucoup d'expérience, environ de l'âge à Matthew Rush. Là, c'est d'ailleurs le vis-à-vis de Rush, le fait des lanceurs, lanceurs partants aussi. La différence, c'est que lui, il a vu évidemment du baseball des ligues majeures. Ça va être un bon duel, je pense, qui paraît peut-être inégal, mais on ne sait jamais dans un match 5. Et les Aigles ont toujours chèrement vendu leurs plumes. Tout à fait. Et tu parles de Matt Rush. Est-ce qu'on va le voir dans ce match en relève dès le départ si jamais Brad Sweet connaît des difficultés? J'ai très hâte de voir comment la forêt va gérer son entelot. Il n'y a pas de lendemain, tu le mentionnes, d'un côté comme de l'autre. Et tu as un lanceur numéro 1, un Rush, qui a lancé le premier match de série mercredi dernier à Trois-Rivières, qui voulait absolument, croyez-moi, être le partant aujourd'hui, mais ne peut pas commencer en raison de son épaule. Est-ce qu'on pourrait l'employer une petite manche pour peut-être changer le rythme d'un match? Peut-être. Peut-être. Mais encore là, c'est beaucoup de points d'interrogation. Très hâte de voir comment le tout va se dérouler. On a quelques lanceurs quand même qui sont prêts du côté des Aigles. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas vu d'action depuis quelques temps. Je pense à Cowie Downing, Philippe-Alexandre Valiquette, entre autres. Donc nous, on va se quitter pour une courte pause. Au retour, les alignements de départ du match. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur C'est fou 89.1. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Hey, j'ai pas rien que ça à faire, pardon! Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide, madame? Hey, vous seriez bien gentil, monsieur, mais comment vous remercier? Est-ce que ça vous tente d'animer la radio? Ben là, mais hein? Embarquez! À son âge requis, here we come! Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Rôtisserie Fusée, un secret bien gardé à la grandeur du Québec. Du poulet généreusement savoureux. Dans ses clubs, ses wraps, ses salades. Goûtez aussi aux succulentes côtes levées. J'aime le poulet fusé, servi avec une savoureuse poutine. Et avec le service au comptoir, c'est vrai que c'est pas long. Pour faire plaisir à toute la famille, je prends le spécial pour quatre. Au comptoir, en livraison ou en salle à manger. Rôtisserie Fusée, du poulet généreusement savoureux. La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. de retour au stade Yogi Berra au New Jersey pendant qu'on interprète les hymnes nationaux. Moi, je vais vous présenter les alignements de départ du match. Tout d'abord, pour les Aigles, formation du gérant Pierre-Luc Laforêt. Frappant en premier, le voltigeur de gauche, le numéro 14, Craig Hurtler. Au deuxième rang, le numéro 11, Pedro Lopez. Lopez, le joueur d'arrêt-court. Frappant en troisième, le voltigeur de droite, le numéro 13, Javier Herrera. Frappant en quatrième, le numéro 19, Steve Brown. Brown, le voltigeur de centre. Frappant en cinquième, le joueur de premier but, le numéro 3, Daniel Mateo. Au sixième rang, le joueur de deuxième coussin, le numéro 2, José Cuevas. Frappant en septième, sera le receveur pour ce cinquième match, le numéro 12, Kyle LaFrenz. Au huitième rang, le frappeur désigné, le numéro 15, Joel Carenza. Et au neuvième rang, le numéro 8, Eric Grabe. Grabe, le joueur de troisième but. Et sur la butte pour les Aigles, cet après-midi, le lanceur droitier, le numéro 9, Mike Bradstreet. Voici maintenant l'alignement de départ des Jackals du gérant Joe Calfapietra. Frappant en premier, le joueur d'arrêt-court, le numéro 3, Peter Marnay. Au deuxième rang, le numéro 13, Anthony Gomez. Gomez, le joueur de deuxième but. Frappant en troisième, sera le frappeur désigné, le numéro 36, R.G. Kirby Jones. Au quatrième rang, le numéro 24, Mark Trelkhead. Trelkhead, le joueur de premier but. Au cinquième rang, le voltigeur de droite, le numéro 18, Leandro Castro. Au sixième rang, le numéro 23, Matt Helms. Helms, le voltigeur de gauche. Frappant en septième, le voltigeur de slant, le numéro 12, Devontre Richardson. Frappant en huitième, le numéro 27, Jared Schlayuber. Schlayuber, le joueur de troisième coussin. Et derrière le marbre, frappant en neuvième, le numéro 30, Tim Quinn. Puis sur la butte pour les Jackals cet après-midi, le numéro 34, Anthony Tlaggett. On va se quitter pour une courte pause et au retour, le début du match. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Yogi Berra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Situé à même le musée Boréalis, le Bistrot au Confluent est un endroit magique aux abords du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Au sein d'un décor moderne, cette terrasse toujours animée vous offre une vue et une ambiance uniques. Les meilleurs produits de la région sélectionnés pour vous créer un menu divin aux couleurs d'ici. Pour plus d'informations sur l'horaire et le menu, borealis3r.ca ou le 819-372-4633. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Vendredi 25 septembre, 21h30, les formations Old Cabin, Pony Girl ainsi que Liliane Pellerin se retrouvent au Zénob pour une soirée folk alternative. $8 à la porte. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Le match vient tout juste de débuter. Hurtler, le premier frappeur, a frappé une balle au champ centre droit qui a été captée par Castro pour le premier retrait. On vous souhaite une très bonne après-midi de baseball à l'antenne de CFOU 89.1. Le gagnant de ce match sera sacré champion 2015 de la Ligue Can-Am. Aucune balle et une prise à Pedro Lopez, deuxième frappeur du match. Lopez, frappeur droitier contre Claguette, lanceur droitier, balle tirée du côté gauche et cette balle va percer devant le champ. C'est un simple premier coup sûr dans ce match de partie à Pedro Lopez. Ouais, pas le contact le plus franc de Pedro Lopez, mais la balle avait des yeux, heureusement pour lui. Les officiels pour le match de cet après-midi, l'arbitre au marbre, Rich Cads. Au premier coussin, Mayo Edwards. Au deuxième, Kirk Branning. Et l'officiel au troisième, Matt Beaver. Dans le cas de Javier Herrera qui se présente au bâton. Herrera en série. Frappe pour 206. 7 coups sûrs en 34 apparitions au bâton. 2 coups de circuit. Un double à sa fiche. Droitier. Plutôt duel droitier contre droitier. Brown est au cercle d'attente. Nous sommes en tout début de match au New Jersey. Et avant que Lopez se rende sur les buts, Simon Hurtler a quand même fait un bon contact au champ centre droit. Le lancer. C'est une prise sur décision, une et une. On en parlait tout à l'heure. Claguette a lancé 68 manches cette saison avec les Jackals. 4.10 de moyenne de points mérités. Fiche de 5 victoires, 5 défaites. C'est un 12e départ pour lui depuis le début de la campagne. La balle qui est bloquée par le receveur Quinn et roule à sa droite. 39 retraits au bâton contre 19 buts sur balle. Oui, son dernier match, c'était contre les Saints-Saint-Paul le 5 septembre. Ça fait longtemps. Lui a débuté la campagne comme seulement instructeur des lanceurs. Et comme tu en parlais dans l'émission d'avant-match, plus que la saison avançait, des blessures... Un succès également des Jackals en début de campagne. Bien, on a tenté de trouver des solutions à l'interne. Et c'est à lui qu'on a donné la balle à plusieurs reprises et il a livré la marchandise. Oui, son premier match, c'était le 7 juillet. Donc, 3 défaites de suite pour commencer. Par la suite, il avait signé 4 gains consécutifs contre Sussex, entre autres Garden State et Wichita. 2 balles et une prise à Herrera. Le tir qui rate à l'extérieur, c'est une troisième balle, 3 et 1. Très belle après-midi de baseball ici au New Jersey. Très chaud également. J'ignore, ça ressemble à quoi du côté de la Mauricie, mais ici, un petit peu de vent, mais une belle journée d'été. Et quand on regarde les statistiques de Claguette, Simon, hormis son premier départ qui n'avait duré que 4 manches, il a toujours effectué des sorties de 6 ou 7 manches. Très rarement chassé de la rencontre. Tôt, trop tôt. Trois balles et une prise. La balle est frappée solidement du côté gauche et cette balle va donner contre la clôture, mais dans le territoire des fausses balles. Ah, un très bon contact d'Herrera. C'est vraiment dommage. Il manquait que 2 pieds, peut-être 3. La bonne nouvelle pour les Aigles en ce début de match, on cogne des balles facilement et d'aplomb. Oui. C'est de bonne nouvelle. Claquer en jeu maintenant. Trouver les trous dans les allées. 3 et 2 comptes complets à Herrera. Un retrait avec Lopez au premier. 0 à 0 la marque. Nous sommes en tout début de match. Retire. Et on appelle une troisième prise sur décision. Oui, c'était à l'intérieur et Herrera n'est pas d'accord avec la décision de l'officiel, mais il doit retraiter à l'abri. C'est le deuxième retrait. Steve Brown va se présenter comme quatrième frappeur de cette manche. La preuve que nous sommes écoutés, Louis-Simon, j'ai reçu à peu près 8 messages depuis que j'ai mentionné que j'ignorais la météo du côté de la Mauricie. Et Christian Langevin, qui s'occupe de l'écran géant au stade, me dit qu'il fait beau soleil et 17 degrés Celsius dans la cité de la Violette présentement. Dans le cas de Steve Brown, en série, frappe pour 444, ça va super bien pour lui. On note également 2 doubles, 2 longues balles et 9 points produits. Brown, un vétéran de 3 saisons avec l'équipe. Le tir. Rate à l'extérieur. Première balle, une et une. Les Jackals, cet après-midi, portent l'uniforme noir avec les pantalons blancs. Et du côté des Aigles, on porte l'uniforme gris avec les pantalons gris. Une balle et une prise à Brown. 2 retraits. Lopez est au premier. Le tir. Rate à l'extérieur de nouveau, deuxième balle. Le vent qui pousse du champ droit vers le champ gauche. Aujourd'hui, les frappeurs droitiers devraient être avantagés. Claggett accepte le signal de son receveur. Un tir. La balle est frappée seulement par Brown du côté gauche. Mais il y a beaucoup de place pour le voltigeur. Helms qui saisit cette balle tout juste devant la piste d'avertissement pour le troisième retrait. Les ailes n'ont pas marqué sur un coup sûr, aucune erreur. Et un coureur a été laissé sur les buts. Après une demi-manche de complété, c'est l'égalité 0-0. En vous rappelant qu'en direct du Stade Yogi Berra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la Financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold-Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Si en fin de première manche au New Jersey, les Aigles n'ont pas marqué dès le départ. Les Jackals, eux, vont tenter de le faire face au lanceur partant des Aigles, Mike Bradstreet. Oui, Bradstreet, il a lancé 5 manches et 2 tiers à Rockland il y a de cela 9 jours lors du match numéro 3 de la demi-finale contre les Boulders. Il n'avait pas accordé de points, Simon. 7 coups sûrs, 2 retraits sur des prises, 4 buts sur balle. Donc, une journée typique de Mike Bradstreet. Sur la butte, ça s'était quand même bien passé. Il était venu en relève à Ryan Bollinger qui avait dû quitter hâtivement en raison des problèmes. Et en saison, 6 victoires, 10 défaites, moyenne de points mérités à 4,23. Il entreprend sa 120e manche de l'année. Voilà, c'est parti. Premier tir rate considérablement. Oui, à l'extérieur, c'est une balle. Dans le cas de Bradstreet, on en a beaucoup parlé dans l'émission d'avant-match, mais on a beaucoup à dire sur ce bonhomme. Pendant qu'il lance un deuxième tir, balle claquée du côté droit, bloquée par Matteo qui touche à son premier coup de sang pour le premier retrait. Ouais, une balle claquée quand même avec force par Monet. Et dans le cas de Matteo, de Bradstreet, pardon, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il y a plein de choses dans son cas. Il doit lancer bas avec du mouvement. On sait qu'il a moins de vélocité. Mais également, Louis Simon, je crois que tu vas être d'accord avec moi, ou du moins je l'espère. Trop souvent, Bradstreet flanche drastiquement. Ouais. C'est souvent dans la 5e manche que ça survient, dans la 6e. Et c'est la grosse manche qu'on accorde, et c'est là que la forêt aujourd'hui doit couper sa course. Ouais. Doit avoir constamment un lanceur dans l'enclos qui est prêt à tout moment à venir dans le match. Et ce n'est pas à cause qu'on n'a pas confiance en Bradstreet du côté des Aigles, mais bien on doit prendre des précautions pour ce 5e match. Premier tir, Anthony Gomez, c'est une prise sur décision. Dans le cas de Gomez, en série, frappe pour 342. Presque coup sûr en 38 apparitions au bâton, un double et 2 points produits. Tire trop bas, première balle. Du côté des Jackals, quand même, on a. Laissez-moi compter. 7 frappeurs au-dessus de 300. On a toute une attaque en série pour 317 au cumulatif de l'équipe. Le lancer, balle frappée à travers le monticule, elle perce avant-champ. Tout comme les Aigles, bien les Jackals frappent un simple à leur deuxième frappeur du match. Et si on fait le comparatif avec les Aigles, eux sont à 280 au bâton et 317 pour les Jackals. Un 14e coup sûr dans ces séries pour Anthony Gomez. Simon, il rejoint Leandro Castro au premier rang. Le dangereux R.G. Kirby Jones qui a passé très près, frappé la longue balle hier. La réussite dans le match numéro 3 présentés ici vendredi. Premier tir de bail à l'extérieur, c'est une balle. Et c'est contre lui, entre autres, que Grassroot ne doit pas laisser ses balles trop hautes. Herbie Jones passe pour 303. 3 doubles, 2 coups de circuit et 4 points produits. Grassroot remet au premier, lance un avertissement. Anthony Gomez. Lui en série, Gomez a un seul but volé. Une balle et aucune prise. Bas et à l'extérieur, deuxième balle. Dans le cas de Gomez, cette saison, 11 buts volés. Mine de rien, 11 buts volés, deuxième à chapitre pour les Jackals. Le meneur était Castro avec 21. Une équipe pas très rapide à celle des Jackals, mais avec beaucoup de puissance au bâton. Là, Grassroot donne une troisième balle à Kirby Jones. Un troisième tir qui était beaucoup trop à l'extérieur, Simon. Ce serait très surprenant que Kirby Jones ait le feu vert. Le lancer. Voici une première prise sur décision. En saison peut-être, mais pas dans un match ultime. Gomez est au premier, un seul retrait. Fin de première manche au New Jersey, égalité de 0 à 0. Grassroot remet de nouveau au premier. On lance un second avertissement au coureur Anthony Gomez. Évidemment, on veut garder la possibilité de la balle à double jeu du côté des Aigles. On ne veut pas qu'il s'envole au deuxième. Vas-y. Balle frappée du côté gauche, mais contre le mur. Hein? Deuxième prise, compte complet. Ouais, Grassroot de retour dans ce compte. Quel tir va-t-il opter maintenant? Les lancers à l'extérieur ne sont pas très payants depuis le début du match pour lui. Il est incapable présentement de toucher le coin, rate souvent très loin à l'extérieur. Le lancer, la balle est frappée seulement par Kirby Jones du côté gauche. Un clair recul et tout près de la piste d'avertissement, saisi pour le deuxième retrait. Ouf, il y en a qui ont retenu leur souffle. C'était un bon contact, un très beau son également. Souvent ce son-là, Louis-Simon, c'est le signe d'une longue balle. Et honnêtement, plusieurs ont retenu leur souffle puisqu'il y a plusieurs partisans des Aigles dans les gradins aujourd'hui. Oui. Quelques-uns ont fait le voyage. Quelques membres des familles respectives des joueurs y sont également. C'est très venteux, Simon, aussi. Le vent tourne un peu dans tous les sens. Hein, oui, tout à l'heure, je parlais d'un vent du champ droit vers le champ gauche. Présentement, c'est un vent du champ centre vers le marbre. Là, c'est Mark Trelkeld qui est au bâton pour les Jackals. Oui, Trelkeld, le joueur de premier but. Frappe pour 364 en série, 12 coups sûrs en 33 apparitions au bâton, 2 doubles, 1 coup de circuit et 5 points produits. Moyenne de puissance à 515 depuis le début de ces séries. Balle frappée vers Lopez de Larico qui saisit, échappe la balle et ne peut remettre à quiconque. Et on va s'élancer au troisième. Oh, une erreur de Pedro Lopez, a voulu remettre la balle à Cuevas. Mais Cuevas n'attendait pas la balle, elle a roulé jusqu'au deuxième but. En fait, entre le premier et le deuxième, et sur le jeu, Gomez s'était lancé au troisième. Oh! Ouais, un peu de cafouillage, là, de non seulement de Lopez, mais de Cuevas aussi là-dessus. Est-ce qu'on peut donner deux erreurs sur le même jeu, puisque dès le départ, lorsque Lopez a échappé la balle, c'était une erreur. Son relais au deuxième est une autre erreur qui permet à Gomez d'aller au troisième. Ah, c'est pas très réjouissant, là, ici. Cette séquence des Aigles en défensive. On se devait de terminer la manche du côté des Aigles. C'était un jeu de routine, mais on l'a fait tellement jongler. Souvent cette année, en plus, Simon. Gomez est au troisième but. Trelkeld est au premier en raison d'une erreur. Deux retraits. Et Leandro Castro bâton. Premier tir trop bas, c'est une balle. Dans le cas de Pedro Lopez, cette saison, 12 erreurs. Le lancer. Prise sur décision. Évidemment, le joueur de recours est un joueur propice à faire des erreurs, il faut le comprendre. Celui qui en a le plus cette saison chez les Aigles, c'est Daniel Matteo, 18 erreurs. Ensuite, Gray Bon à 15 et Lopez à 12. Le tir a tiré du côté gauche, saisi par Lopez, va remettre au deuxième, attaque pour le troisième retrait! Il se reprend bien, Lopez, c'était pas un jeu évident, Simon. La balle a été claquée entre le troisième et le joueur d'un court, Lopez s'est déplacé vers le troisième, a saisi cette balle et à contresens, remet à Cuevas au deuxième pour épingler le coureur Trelkad. Et les Jackals n'ont pas marqué sur un coup sûr, une erreur et deux coureurs ont été laissés sur les buts. Après une manche complétée, c'est l'égalité 0-0. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Que ce soit pour des réparations de portes et fenêtres de tout genre ou que ce soit pour des remplacements de pièces et un service à la clientèle personnalisé hors pair, le Centre de réparation de portes et fenêtres est disponible pour vous. Au 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine ou contactez-les au 819-375-3666. Le Centre de réparation de portes et fenêtres, le connaisseur de vos besoins. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de deuxième manche du côté du New Jersey. Égalité de 0-0. Un coup sûr de chaque côté. Du côté des Aigles, on verra au bâton Matteo Cuevas et LaFrance, des frappeurs 5, 6 et 7. Mais tir de Tlaggett. Rate loin à l'extérieur, c'est une balle. Oui, Simon, Tim Quinn, le receveur pour les Jackals, est derrière le marbre. Et lui est le receveur numéro 2 de cette équipe depuis le début de la campagne. Le numéro 1, c'était son coéquipier Caldwell, qui lui a été blessé lors du match numéro 2 à Trois-Rivières, a reçu une balle sur son pouce. Et hier, on a eu des détails de cette blessure, fracture au niveau du pouce. C'est pour cette raison qu'il ne jouera plus dans cette série. Il était excellent depuis le début de la campagne. C'est lui qui avait la meilleure moyenne au bâton du côté des Jackals à 409. Oui. Donc, c'est une lourde perte là, pour la troupe de Kalfa Pietra, mais Quinn fait très bien. À ce chapitre, les Aigles sont quand même chanceux, Simon. Hein? Parce que c'est vrai que c'était un de leurs meilleurs joueurs. On disait de Caldwell que c'était entre autres, excellent pour bloquer les mauvais lancers. Les Jackals en ont eu très peu cette année, mais c'est en grande partie grâce à lui. Une balle et deux prises à Matteo. Un tir. La balle est frappée du côté droit. Et cette balle va être saisie par le joueur de deuxième but, Gomez, qui remet à temps au premier à Trelkad pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. José Cuevas s'amène au bâton. Cuevas en série frappe pour seulement 189. 7 coups sûrs en 37 apparitions au bâton, 2 doubles, 1 coup de circuit et 6 points produits. Premier tir de Tlaggett, prise sur décision. Côté de Cuevas, bien évidemment, on aimerait une meilleure production à l'offensive. Mais en défensive, ça va bien. À une erreur et réalise habituellement les gros jeux. Ouais, puis Cuevas contre les Jackals se débrouille quand même pas mal mieux que face à Rockland au bâton. Le tir est à l'extérieur, c'est une première balle, une et une. Il est allé chercher des points importants quand même dans cette série, Simon. Côté des Jackals, on retrouve derrière le marbre Quinn. Au premier, Trelkad. Au deuxième, Gomez. Au troisième but, Schleyhuber. Et Mané Pratouille l'arrêt court. Au champ extérieur de la gauche vers la droite, on retrouve Helms, Richardson et Castro. Balle tirée du côté gauche, facilement captée par Mané qui remet au premier. Attends à Trelkad pour le deuxième retrait. Retrait qui s'inscrit 6 et 3. Tlaggett, après une première manche, sans dire difficile, peut-être avec quelques points d'interrogation. Ça en est bien tiré. Ouais, deux roulants jusqu'à maintenant. Là. Et en deuxième, ça va bien, force l'équipe justement à frapper au sol. La France se présente au bâton après deux retraits. La France, 226 de moyenne en série, deux doubles, deux longues balles, deux points produits. Bémol dans le cas de la France, c'est nombreux retraits au bâton. 11 au total, avec 4 buts sur balle. Un gros hier en 8e, alors que Matteo était au 3e but avec un seul retrait. N'a pas fait le travail, malheureusement. C'était 5-4 pour Trois-Rivières, et par après, ben, on sait ce qui est arrivé. Balle tirée du côté gauche, saisi par le joueur de 3e but, Schleyhubert, qui remet au premier. Attends pour le 3e retrait. On anticipait le jeu dans le cas de Schleyhubert, jouait directement contre la ligne. Et la balle est arrivée vers lui et a réalisé le retrait qui s'inscrit 5-3. Demi-manche parfaite en défensive pour le New Jersey. On se dirige en fin de deuxième en vous rappelant qu'en direct du Stadio Guy Béra, vous écoutez le baseball des Aigles assez fou 89-1. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à M. Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Chiffou 89. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Samedi 26 septembre, 21h30, Jimmy and the Cadillac débarque au Zénob pour vous offrir une soirée blues rock. 5$ à la porte. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici enfin la deuxième manche. Helms, Richardson et Schleyhubert, les joueurs qui frappent 6e, 7e et 8e, vont s'amener face à Mike Bradstreet. Oui, Bradstreet pour l'instant a accordé un coup sûr, un simple au milieu de l'avant-champ à Gomez. AJ Kirby-Jones a réussi une bonne claque au champ gauche, mais il a été retiré. Balle frappée du côté gauche, fausse balle, première prise. Et par la suite, on sait bon, l'erreur de Pedro Lopez qui a permis aux Jackals de placer Gomez au troisième coussin. Bradstreet avait fait le jeu là-dessus, Simon. Il avait forcé Mark Trelkeld à un roulant, mais c'est sa défensive qui n'avait pas fait le travail. Par la suite, Lopez s'est bien repris en freinant la menace. Donc, pour l'instant, c'est quand même pas si mal pour Bradstreet. Une balle et deux prises. Hamad Helms, frappeur gaucher, un des rares dans l'alignement des Jackals. Balle frappée vers Lopez qui se déplace, mais ne peut bloquer la balle. C'était quand même difficile à réaliser une balle frappée à travers le monticule. Et voilà un deuxième coup sûr dans ce match pour les Jackals. Il appartient à l'ancien des capitales de Québec, Matt Helms. Ouais, sensiblement au même endroit. Et on a vu la réaction de Bradstreet. Il sait qu'il a joué un peu de malchance là-dessus. Helms a trouvé le trou, mais au final, les Jackals sont en bonne position en cette fin de deuxième. Première fois du match qu'on a un coureur sur les sentiers et aucun retrait. Croyez-moi que vous n'aurez jamais écouté un match de radio avec autant de baseball de situation dans un cinquième et ultime match d'une série finale. Et sur le Bradstreet, on a voulu déposer la mortier dans le cas de Richardson, mais n'a pas touché la balle. C'est une prise au tableau. Richardson, 324 de moyenne en série. Ça va très bien pour lui à domicile face aux Aigles. Au cumulatif, 12 coups sûrs en 37 apparitions au bâton. 3 doubles, 2 triples et 6 points produits. Balle soulevée du côté droit. Herrera va se déplacer dans le territoire des fausses balles. Ce sera serré, mais la balle qui donne contre le muret, c'est une deuxième prise au tableau. Richardson, on doit surveiller sa rapidité. Oui, il n'a aucun but volé, mais lorsqu'il prend son envol, contourne le premier, C'est à ce moment qu'il prend cette vitesse. Pas un départ rapide, mais prendre la vitesse assez rapidement lorsqu'il contourne les sentiers. Et d'ailleurs, le seul chez les Jackals avec Money à obtenir deux triples en série. 0 et 2. C'est-il lancé? Et l'officiel au premier dit oui. Oh, on a dépassé le marbre dans le cas de Richardson. Et lui, le savait, retourne à l'abri. C'est un premier retrait dans cette manche pour Mike Brastrick. C'est un premier retrait au bâton également pour le partant des Aigles. Jared Schlayhuber, le huitième frappeur de l'alignement, s'amène. Schlayhuber, un petit peu à l'image de Cuevas, ça va moins bien en série, 194 de moyenne. Seulement 6 coups sûrs en 31 apparitions au bâton. Il n'a absolument rien en termes de puissance. Exact. Et deux points produits. Aucune claque de plus d'un but. Première tir prise sur décision. En saison pour Schlayhuber, 290 de moyenne. 22 doubles, un triple, 5 longues balles. Comme on dit, Louis-Simon, celui-là, il est dû. Ouais. Il pourrait tout se faire pardonner dans le dernier match. Brassuit remet la balle au premier, lance l'avertissement. Hamad Helms. Helms en saison régulière. 5 buts volés. On se rappelle que Helms a été nommé la recrue de l'année dans la Ligue Can-Am l'an dernier. Balle a frappé vers Lopez de la côte qui saisit, remet un deuxième point. Et au premier, attaque pour le double jeu. 6, 4 et 3. Les Aigles s'en tirent bien après avoir accordé un 5 d'entrée de jeu, Simon. Les Jackals n'ont pas marqué de points sur un coup sûr, aucune erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après deux manches complétées, c'est toujours l'égalité 0 à 0. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Mathieu, qu'est-ce que tu verses partout dans le studio? Du gaz, j'essaie d'attirer ma nouvelle co-animatrice puis je sais qu'elle a amené un fort. Ben, premièrement, ta nouvelle co-animatrice, c'est moi. Puis tu peux me texter quand tu me cherches. Oh fuck, non, une panne de courant, je vois plus rien. M'allumer une allumette. Ah, tu parles d'une gaffe, toi et chose. Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold-Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Rôtisserie Fusée, un secret bien gardé à la grandeur du Québec. Du poulet généreusement savoureux. Dans ses clubs, ses wraps, ses salades. Goûtez aussi aux succulentes côtes levées. J'aime le poulet fusé, servi avec une savoureuse poutine. Et avec le service au comptoir, c'est vrai que c'est pas long. Pour faire plaisir à toute la famille, je prends le spécial pour 4. Au comptoir, en livraison ou en salle à manger. Rôtisserie Fusée. Du poulet généreusement savoureux. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en début de troisième manche au New Jersey, toujours une égalité de 0 à 0. Pour les Aigles au bâton, on verra Carranza, Grave et Hurt, là, les frappeurs 8, 9 et 1. Voilà une première balle à Carranza, 1 et 1. On s'excuse pour le vent, Simon, hein, on ne peut rien y faire, mais notre micro de foule, évidemment, reçoit toutes ces bourrasques. Ça souffle très fort ici présentement du champ centre vers le marbre. Tiens, voilà une deuxième prise sur décision pour Carranza en série. Il frappe pour 276. Deux doubles, un coup de circuit et deux points produits. Une et deux. Le tir. Troisième prise sur Elan. La deuxième victime au bâton d'Anthony Claguette dans ce match. Les deux lanceurs qui sont en contrôle. Aucun des deux n'a encore flanché, mais doit un bon duel entre Tlaquette et Brastwick. Les Aigles, hier, ont perdu leur premier match de l'année au stade Yogi Berra. Et dans cette série, eh bien, les Aigles ont remporté le premier match 12-0. Défaite lors du deuxième match à la maison, 8-6. Ont remporté le troisième match ici vendredi, 7-3. S'incline hier 7-5 et voici le cinquième et ultime match de cette finale. Premier tir à Grabe, rate à l'extérieur, c'est une barre. 258 de moyenne en série pour Eric Grabe. Un double, 3 points produits. 7 retraits au bâton contre 2 buts sur balle. Le lancer, rate de nouveau à l'extérieur, deuxième balle. Stade Yogi Berra au New Jersey, situé sur le campus l'université ici dans l'État du New Jersey, Montclair University. On en parlait hier. Oui, une université d'État. On parle de près de 22 000 étudiants. Il a lancé, balle de tirer du côté gauche, mais catch de Schleyer au troisième. Il a plongé et sauté en même temps pour capter cette balle du bout du gant et vendre un coup sur Eric Grabe. Ouais, ça fait deux belles pièces de jeu là, amorcées par Jared Schleyer. Simon vole un coup sûr à son vis-à-vis au troisième but. Très allumé la défensive des Jackals. On se souvient que dans cette série, surtout dans le match numéro 3, la défensive des Jackals laissait un petit peu à désirer, notamment 4 erreurs vendredi. Des balles mal jugées, des balles perdues dans les projecteurs. Ça a été pénible pour eux, mais semble être très concentré aujourd'hui. C'est un bon départ, en tout cas. C'est encourageant pour Calfa Pietra. Et de la façon que le soleil est positionné, c'est très difficile pour les joueurs en défensive puisque tous les joueurs en défensive, en fait, ont le soleil en plein visage. La façon que le terrain est positionné ici, les balles frappées dans les airs, ce sera toute une aventure pour les joueurs. Premier tir à Archer, prise sur décision. Slaguette est à un retrait d'aller chercher une deuxième demi-manche parfaite en défensive. Le lancer. Rate légèrement le coin extérieur. Première balle, une et une. Il s'agit du 106e match de l'été pour les Aigles. Et tout va se jouer cet après-midi. Une et une. Tire bas et à l'intérieur. Deuxième balle. Les Jackals ont terminé deuxième cette saison dans la Ligue. Les Aigles, eux, quatrième, se sont qualifiés en toute fin de campagne dans la dernière série contre les champions. On appelle une deuxième prise sur décision au coin extérieur. Duel droitier contre gaucher. Les Jackals qui ont remporté leur série demi-finale en 5 matchs contre Québec. Les Aigles, eux, en 5 matchs contre Rockland. 2 et 2. Un tir. La balle est frappée du côté gauche et cette balle va tomber en lieu sûr devant le voltigeur Matt Helms. C'est un simple après deux retraits pour Hartler, le deuxième coup sûr des Aigles dans ce match. Oui, au champ posé, la balle déposée tout juste derrière le joueur d'arrêt-court des Jackals, qui est Peter Money. Deuxième coup sûr pour les Aigles, c'est 2-2 à ce chapitre. Pedro Lopez se présente au bâton. C'est lui qui avait frappé le premier coup sûr des Aigles dans ce match. Slaguette accepte. Cible au coin extérieur. La balle est tirée du côté gauche et elle perd sa manche. Kleber a tenté le plongeon, mais cette balle a passé sous son bras. Et c'est un simple, un deuxième dans ce match pour Pedro Lopez. Ouais, cette fois, Kleber n'y peut rien. Une balle frappée en flèche. Deux coureurs sur les buts, mais deux retraits. Par contre, ce sont les excellents frappeurs des Aigles qui s'amènent ceux qui ont justement le plus de puissance. Le premier, Javier Herrera, qui va tenter de prolonger la manche. On en parlait tout à l'heure, Herrera, peut-être pas les séries souhaitées dans son cas, mais cette saison, 480 sa moyenne de puissance, 441 sa moyenne de présence sur les sentiers. 6 coups de circuit et 32 points produits en saison. Premier tir de Tlaggett. À l'intérieur, c'est une prise. Et Herrera semble avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les tirs à l'intérieur. Ouais, ben on l'a vu dans la première manche. C'est entre autres sur une balle à l'intérieur qui a été retirée sur décision. Et là, il est un peu découragé de lui, justement, sur le dernier lancé. Je crois pas qu'il en voulait à l'officiel parce qu'il ne l'a pas regardé. Il devra peut-être ouvrir les hanches un petit peu plus rapidement. Herrera sur les tirs de Tlaggett qui semble avoir décelé une faille du côté du frappeur des Aigles. Aucune balle et une prise. Le lancé. Cette fois, c'était le tir au coin extérieur. La balle qui a touché le marbre et ensuite dévié en territoire des fausses balles. Herrera tire de l'arrière, 0 et 2 dans le compte. Les Aigles menacent avec deux retraits. Nous sommes en début de troisième manche avec une égalité de 0 à 0. Hurtler est au deuxième, Lopez est au premier. Tlaggett, le partant, le beau jeu, reçoit l'appui de ses partisans. Il accepte le signal de Quinn. Le tir. Semblait très près. Herrera a été chanceux. Le tir est un petit peu trop haut. Première balle, une et deux. L'officiel qui, habituellement, n'a pas son mot à dire dans un match, mais dans un match numéro 5, tu dois être très constant dans tes décisions. Et on va le surveiller, ce casse derrière le marbre, qui est un bon début de match. Une et deux. Le tir. Rate le coin extérieur. Deuxième balle. Et si jamais on va plus loin, Steve Run est au cercle d'attente. Herrera est l'une des deux victimes au bâton dans ce match de Tlaggett. L'autre est Carenza. Et on demande à Quinn de s'amener sur la butte pour discuter avec son partant. En cas de Hurtler, on a beaucoup de rapidité sur les sentiers avec lui en saison 21 buts volés, deuxième à chapitre derrière Brown avec 23. 2 et 2, 2 retraits. Le lancer. Troisième prix, c'est là! Un deuxième face à Herrera dans ce match et les Jackals s'en sortent très bien. Les Aigles n'ont pas marqué sur deux coups sûrs, aucune erreur et deux coureurs ont été laissés sur les buts. Après deux manches et demie de complétées, c'est toujours l'égalité 0 à 0. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guy Béra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89 ans. La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold-Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en fin de troisième manche avec une égalité de 0 à 0. Au bâton pour la troupe de Calfa Pietra, on retrouvera Quinn, Manet et Gomez, ses frappeurs 9, 1 et 2. Premier tir de Brad Sweet, prise sur Ellen. Quinn, première présence pour lui au bâton dans ce match. Regarde passer le tir trop bas, première balle. Quinn en série a joué seulement 4 matchs. Les Jackals, eux, disputent un dixième aujourd'hui en série, 125 de moyenne. Un coup sûr en 8 apparitions au bâton, il a 2 points produits. Il claque la balle solidement du côté du champ centre gauche. La balle est très loin et cette balle va donner contre la clôture. Quinn contourne le premier facilement et claque un double d'aile de part. Oh, ça c'est un gros bonus pour les Jackals. Tim Quinn qui réussit un double, Simon. C'est inespéré pour l'équipe locale. Une balle claquée très loin dans l'allée du champ gauche. Aucune chance pour les deux voltigeurs qui ont simplement constaté les dégâts. Ça se complique. On l'avait prédit en début de match, ce sera un duel très serré. Or, moi j'avais prédit, Simon, un match qui va se déterminer par un seul point. Je n'ai pas dit quelle équipe, mais je suis convaincu que c'est un match qui va se décider avec un seul point d'écart. On met sur le Brad Sweet. Amarnik dépose l'amorti. La balle est saisie par Brad Sweet qui va remettre au premier à temps pour le premier retrait. Amorti sacrifice déposé à la perfection pour Marnick qui permet à Quinn d'atteindre le troisième. Et la mission sera maintenant à Anthony Gomez de faire produire le premier point du match. Gomez a frappé un simple en première manche. Il possède un des trois coups sûrs des Jackals dans ce match. Gomez est un frappeur droitier contre le droitier Mike Bradsweet sur la butte. Hier, Gomez 1 en 5 avec un point marqué. Il claque la balle sur le premier tir, saisi par Grabe. Et va remettre au premier. Attends pour le deuxième retrait. Quelle mauvaise présence au bâton d'Anthony Gomez qui se lance sur le premier tir et qui ne permet pas à son équipe de marquer puisque Quinn doit demeurer au troisième. Ben c'est ça, il frappe la balle vers le joueur en défensive le plus près de Tim Quinn. Donc aucune chance pour le receveur des Jackals de tenter une course vers le marbre. C'est une présence gaspillée pour les Jackals, mais A.J. Kirby-Jones s'amène. Dans ce genre de situation, oui, tu veux frapper la balle le plus loin possible du marbre pour le coup sûr loin ou le ballon sacrifice. Et en même temps, tu dois être patient puisqu'une balle passée, c'est un point marqué. Et Rastreet a toute une mission maintenant. Il affronte le puissant R.G. Kirby-Jones avec deux retraits. Oui, il lui a accordé beaucoup de lancers à l'extérieur lors de la première confrontation. Mais là, il faut éviter le mauvais lancer, évidemment. Le lancer. Oh, et à l'extérieur, deuxième balle. Kirby-Jones, hier, un coup sûr en 4, un point marqué, un but sur balle. Droitier contre droitier. Cible à l'extérieur. Le tir demeure, c'est une troisième balle. En même temps, du côté des Aigles, on veut peut-être donner le but sur balle à Kirby-Jones avec deux retraits. Et non pas le but sur balle intentionnel, mais tant mieux s'il se lance. Mais on ne veut pas donner le gros coup sûr à ce frappeur de puissance qu'il frappe une fausse balle. C'est une première prise, 3 et 1. Oui, dans la confrontation précédente aussi, Simon, si tu te souviens, Kirby-Jones avait entamé le tout avec 3 balles et aucune prise. C'était finalement compromis sur une chandelle au champ gauche. Donc là, il s'était lancé. Il avait le feu vert. 3 balles et une prise. Et le tir. Deuxième prise sur décision. Au coin extérieur, ça rapporte compte complet à une seule prise sans sortir du côté des Aigles. Oui, la balle était basse. Trell Kell est au cercle d'attente. Deux retraits, Quinn est au troisième. Compte complet. Et le tir. C'est une fausse balle qui roule derrière. On va reprendre à 3 et 2. Les Jackals qui, cette saison, dossier de 54 victoires, 43 défaites. À la maison, 33 et 22 pour cette équipe. Et dans leur histoire, c'est une équipe avec beaucoup de vécu. 902 victoires contre 753 défaites. Ils ont remporté des championnats en 98, 2001, 2002 et 2004. La balle est frappée du côté gauche. Une autre fausse balle de la part de Kirby-Jones. 11 ans sans l'emporter. Et on le répète depuis le début de cette série, mais les Jackals se sont inclinés en finale lors des 4 dernières saisons. Rastreet est prêt. Et le tir. Troisième prise! C'est là! La balle à l'intérieur qui mystifie le numéro 36 du New Jersey. On avait pourtant quoi au troisième et un retrait, mais Brad Street qui effectue du bon travail. Et au final, les Jackals ne marquent pas de points sur un coup sûr, aucune erreur. Et un coureur a été laissé sur les buts. Après trois manches complétées, c'est toujours l'égalité 0-0. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guy Béra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de quatrième manche avec une égalité de 0-0. On va bientôt franchir les 1h dans ce duel. Le match a débuté à 14h05. Match présenté en après-midi. Les Aigles ou Simon qui, habituellement, n'ont pas trop de succès lorsque le soleil est présent lors d'un match en après-midi. Et c'est un bon départ. Hier, les gars se sont couchés très tôt. Et c'est une bonne nouvelle. Habituellement, samedi, ça fait un petit peu lorsque les matchs sont présentés à la maison. Mais avec un match avec aussi autant d'importance, ils ont pris le soin d'être au lit assez rapidement hier après la défaite de Crève-Cœur. Puisque je regarde la fiche de l'équipe, les dimanches en série, ça va bien. Une victoire, aucune défaite. Mais c'est en saison que ça allait moins bien. 6-6 cette année, mais lorsqu'on faisait le cumulatif depuis 3 ans, ça donnait une fiche d'environ 250. Ouais, c'est pas trop glorieux. Vraiment, dans un match 5, les statistiques, Simon, hein, faut en prendre puis en laisser. C'est vrai. Très bon point, mais c'est la base de notre travail. On doit, on doit les mentionner. On travaille avec des chiffres pendant que Brown frappe la balle du côté droit. Castro est sous la balle et saisi pour le premier retrait. Deuxième chandelle pour Steve Brown. Et ce que tu es en train de me dire, Simon, c'est que la technique de Moneyball ne fonctionne pas aujourd'hui. Les chiffres ne s'appliquent pas pour ce cinquième match. Pour les Écoute, gens, dans un cinquième match, c'est tellement d'impondérables. L'athlée n'est pas les chiffres, mais bien la concentration aujourd'hui. Exactement. Une petite erreur peut couler l'équipe. Et la balle est claquée du côté droit par Mathéo. Justement, la balle échappe au joueur de premier but. Mathéo s'envole au deuxième. La balle est très loin dans l'enclos. Et c'est un double avec un retrait pour Daniel Mathéo. Oui, il semble avoir touché, frôlé cette balle. Le joueur de premier but des Jackals, Mark Trelkeld. Par la suite, la balle a dévié justement hors ligne. Elle était quand même loin pour le voltigeur de droite, Leandro Castro. Évidemment, on me donne une erreur là-dessus à Trelkeld. Cette balle a été touchée, comme tu le mentionnes, par Trelkeld au premier. Et elle a dévié dans le territoire des fausses balles par la suite. Donc, elle était très loin, comme tu le mentionnes, pour Castro. Et Mathéo n'a jamais hésité. Ballinger, l'entraîneur au premier et lanceur partant des Aigles, habituellement, n'a eu aucune hésitation. Envoyer Mathéo au deuxième. Et avec un retrait, les Aigles placent un courant en position de marquer. Lagat accepte. Le tir rate à l'extérieur, c'est une balle. José Cuevas est maintenant au bâton. 0-1 dans ce match, a été retiré sur un roulant vers Manet à l'arrêt-court en deuxième manche. Il lancé. Sur elle, c'était la balle rapide, première prise, une et une. Cette saison pour Cuevas, avec un coup en position de marqué, frappe pour 220. En 82 apparitions au bâton, dans une telle circonstance, aucun coup de circuit et 31 points produits. Une et une. Le tir. La balle est frappée et cette balle va tomber en lieu sûr au champ centre. Mais elle n'est pas frappée suffisamment loin pour qu'on pousse Mathéo Marbre. C'est un simple qui pousse son coéquipier au troisième. Les Aigles menacent avec des coups aux extrémités et un seul retrait. Oui. Claque au champ centre pour Cuevas. Un premier coup sûr pour lui. Et là, c'est Kyle LaFrenz qui s'amène, Simon. LaFrenz retiré sur un roulant au troisième en deuxième manche. Situation très intéressante pour les Aigles. Les Jackals n'ont pas réussi dans une telle circonstance à la manche précédente. C'est une situation pratiquement identique. Un retrait et un couloir au troisième. Ils ont échoué. Voyons voir si les Aigles, eux, vont être capables d'ouvrir la marque. Un tir de Claggett. Balle frappée du côté droit. C'est une fausse balle qui va dévier chez les spectateurs. Quand il y a des coureurs en position de marquer en série, Kyle LaFrenz frappe pour 200. Évidemment, c'est sa 11e présence au bâton. Ce ne sont pas des chiffres très représentatifs, vous comprendrez. Mais en saison, 243 de moyenne, justement, avec des coureurs en position de marquer. Ça pourrait être un peu plus haut. Deux coups de circuit et 23 points produits en 74 apparitions au bâton. Aucune balle et une prise. Le tir, on appelle une deuxième prise sur décision. LaFrenz n'est pas d'accord. Ça semblait un petit peu bas, mais du côté de LaFrenz, il doit à tout prix éviter la balle à double jeu. Claggett a le beau jeu. Aucune balle et deux prises, un retrait. Il décide de remettre au premier, force. Cuevas à s'allonger de tout son long. Carenza est au cercle d'attente. 5 coups sûrs pour les Aigles, 3 pour les Jackals. Le tir. Loin à l'extérieur, première balle. Oui, on a tenté d'envoyer Kyle LaFrenz à la pêche là-dessus. Ça n'a pas fonctionné pour Claggett. Hier, les Aigles, 10 coups sûrs et 12 pour le New Jersey. On se souvient de cette remontée en 8e de 3 points qui a permis aux Jackals de l'emporter. Il y a également eu confusion. Côté de l'officiel au troisième, Kirk Brennan qui a mal joué une balle. Cuevas est en course. Le relais du receveur. Cuevas glisse. Il est sauf. Et on a accordé une deuxième balle à LaFrenz. Ouf. Un très bon scénario présentement pour les Aigles. Oui, ça devient intéressant. Et dans le cas de Cuevas, cette saison a eu quand même sa part de buts volés. Exactement là pour Cuevas. On a réussi 19 en saison, ce qui est excellent au troisième rang chez son équipe. Et en série pour José Cuevas, c'est un deuxième but volé. On enlève la possibilité de la balle au double jeu. Et LaFrenz, un compte de deux balles et deux prises. Première fois dans ce match que les Aigles placent deux coureurs en position de marquer. On joue de façon rapprochée du côté de la défensive des Jackals. Le tir rate à l'extérieur. Troisième balle. Ouais, belle discipline de Kyle LaFrenz, Simon. C'était 0 et 2 secondes. Voilà trois balles de suite. Et en plus, Cuevas qui vole le but. Le prochain lancer sera très important pour Claggett. Ouais, deux. Un seul retrait. 0 à 0 la marque. Et la balle est soulevée au champ centre. Elle est très loin du côté du champ centre droit. Les Bolshevikis s'amènent à la balle et la balle est captée par Richardson. Mais du troisième, Mathéo Croix-de-Mort, les Aigles qui prennent les devants. 1 à 0. Ouais, LaFrenz a bien exécuté là-dessus. Une balle très quand même difficile à négocier. Le Bolshevikis de centre a dû reculer beaucoup. Donc, aucune chance pour un relais, vous comprendrez. Vers le marbre, les Aigles s'inscrivent au tableau en premier. C'est le troisième point produit des séries de LaFrenz. Et sur le jeu, Cuevas a également avancé au troisième sur le ballon sacrifice. Mathéo qui croise le marbre. Et on a maintenant deux retraits au tableau. C'est une balle claquée dans l'allée du champ droit. Un point très éloigné du mal. Premier tir à Carenza. Fanlère. Carenza a été retiré sur élan lors de la troisième manche. Il a réussi un coup de circuit et deux points produits jusqu'à maintenant en série. Le lancer. Fausse balle du côté droit. Et tous les chiffres qu'on vous mentionne lorsqu'on dit en série, bien, sachez que les Aigles disputent un dixième match seulement en éliminatoire. C'est plus les chiffres de la saison régulière qui sont représentatifs. Et pour Carenza, en saison, en 28 matchs, 4 longues balles et 18 points produits. Aucune balle et deux prises. Un tir. Rate à l'extérieur, très bien bloqué par Quinn. Déplacement gauche-droite. Les Aigles, Simon, qui réussissent encore une fois à marquer à la suite d'une erreur en défensive des Jackals. On se rappelle que les Jackals, eux, n'ont pas profité de l'erreur des Aigles en première manche. Deuxième balle, 2 et 2. Baguette accepte. Cible au coin extérieur. Et le tir. Autre fausse balle de Carenza du côté droit. Un 60e lancé pour Claguette. Nous sommes en début de quatrième manche. Les Aigles mènent par 1. Cinquième et ultime match de cette série finale. Le dernier match de la saison. En fin de l'été. 2 et 2. Le tir. Troisième prise. Excellent. On revient à l'intérieur. Un deuxième retrait sur des prises contre Carenza cet après-midi. Mais les Aigles ont ouvert la marque. Ils ont marqué un point. Sur un coup sûr, une erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après trois manches et demie de compléter, les Aigles mènent 1 à 0. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre. Matière noire. Tous les dimanches, 19h. C'est un rendez-vous. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de quatrième manche où New Jersey, les Aigles mènent 1 à 0 face aux Jackals grâce à un point produit de La Friends qui a poussé Matteo Marbre. Premier tir de cette manche est une prise sur décision. On verra donc au bâton Trelcad, Castro et Helms, les frappeurs 4, 5 et 6. Trelcad a atteint les sentiers en première manche sur une erreur. On se souvient que Lopez avait bloqué la balle, échappé la balle et fait un mauvais relais au deuxième, ce qui avait permis à l'adversaire de faire progresser l'attaque. Une balle et une prise. Et le tir. La balle est frappée solidement par Trelcad au champ centre, mais Brown recule et saisit cette balle pour le premier retrait. Oui, il a bifurqué un peu sur sa balle pour s'assurer que cette balle tombait bel et bien dans son gant. Ceci dit, c'est un bon départ de Steve Brown, Simon. C'était une belle claque quand même de Trail Kelb. C'était très difficile à faire puisque ce n'était pas un ballon. C'était une balle qui constamment progressait vers la clôture. Ouais. C'était une simili-flèche, on peut dire. Un gros retrait. Et Leandro Castro va s'amener, lui, le 0 en 1 dans ce match. Il avait frappé un roulant vers Lopez à l'arrêt-court en première manche. Tire de Bradstreet. Rate à l'extérieur. C'est une balle. Left Friends demande la balle à l'extérieur. Le tir demeure. C'est une prise. Sur décision, l'officiel Cass qui accorde souvent le coin extérieur à Bradstreet, contrairement à l'officiel Omar hier, qui, on en parlait avec la Forêt après le match, Munoz n'avait pas ce fameux coin extérieur hier et ça l'a nuit un petit peu. Et voilà, encore une balle au coin extérieur, deuxième prise, ça donne des maux de tête au frappeur des Aigles. Une et deux. Un tir. Oh, pratiquement au même endroit, mais on accorde une deuxième balle sur le tir. Je crois que c'était un petit peu plus loin, Simon. Deux et deux. Un tir. C'est tir compromis, on dit que oui. C'est une troisième brise sur elle. Une troisième victime. On n'a même pas eu besoin de demander l'avis de Edwards au premier, l'officiel derrière le marbre l'a très bien vu que Castro va dépasser le marbre. On a déjà deux retraits dans cette fin de quatrième manche, les Aigles qui mènent 1 à 0. Aujourd'hui, dans le baseball majeur, c'est l'égalité 3 à 3 entre Toronto et Boston en septième. Kansas City mène 8-3 sur Détroit en cinquième. Les White Sox tirent de l'arrière 3 à 0 en cinquième contre Cleveland. Oakland et Houston 1 à 1 en quatrième. Saint-Louis est devant 3-0 contre Chicago, les Cubs en troisième manche. Match qui va débuter ce soir, un match Yankees-Mets. Un match qu'on a voulu aller voir hier, les deux équipes jouaient l'après-midi du côté du City Fields, mais lorsqu'on a regardé le prix des billets, on s'est rendu compte qu'on était peut-être mieux de rester à l'hôtel. 100$ dans la toute dernière rangée du City Field en haut. Balle tirée du côté gauche, elle roule hors ligne. Il y a des billets situés au premier balcon, tout près du marbre, on parlait d'environ 800$. On a fait d'autres choses. On s'est bien amusé. Une et deux. Un tir. Balle frappée du côté droit. Quava se plonge, mais est incapable de bloquer la balle. Et cette dernière roule jusqu'au champ droit. Mais le coureur qui est Helms a dû se réaliser très vite. S'en allait au deuxième. Mais a vu que Herrera allait bloquer la balle assez rapidement, a dû rebrousser chemin pendant que Quava semble avoir été blessé sur ce jeu. Il semble incommodé, effectivement. Le thérapeute Alexandre Leduc saute sur le terrain. Ça semble être au niveau de l'épaule gauche. Lorsqu'il a plongé au sol, il a touché la balle, mais cette dernière n'a pas rentré dans son gant, elle a roulé au champ droit. Est-ce qu'il a une élongation, quelque chose? Et la Forêt saute sur le terrain, lui aussi, pour voir l'état de santé de son joueur de deuxième but. Évidemment, lors d'un cinquième ultimatch d'une finale, tu dois être blessé assez sévèrement pour dire à ton instructeur que tu n'es plus capable de jouer. C'est certain que Cuevas ne veut pas quitter le terrain. Donc, c'est au thérapeute de juger de l'état de santé de son joueur. Ça semble être correct pour l'instant. Oui, la Forêt et le Duc rentrent à l'abri. Et de l'autre côté, lors d'un match important, oui, tu veux absolument être là. Tu veux aider ton équipe à gagner. Tu veux être un guerrier. Mais si ta blessure empêche ton équipe de progresser et de gagner, mais ce n'est pas mieux, mais Quava semble être capable de poursuivre. C'est le bras de son gant. Fait l'épaule gauche qui a été atteint. Premier tir à Richardson, c'est une fausse balle prise au tableau. On va donner un simple sur la séquence à Matt Helms. Un deuxième pour lui. Aucune balle et une prise. Bradstreet remet la balle au premier. On On veut s'assurer que Hermes demeure près du coussin. Aucune balle et une prise. Droitier contre droitier. Et la balle va percer l'avant-champ. Elle a roulé derrière le deuxième. En fait, elle a tombé au sol derrière le deuxième but et roulé jusqu'à Brown au champ centre. C'est un simple premier lance-match pour Devontae Richardson. Ouais, les Jackals qui placent deux coureurs sur les buts après deux retraits. Et là, c'est Jared Schley Cooper qui s'amène. Lui, s'était compromis dans un double jeu en deuxième manche. Et pour terminer sur le baseball majeur, avant cette blessure, en fait, ce plongeon de Cuevas, bien, les Jays sont à 3,5 matchs devant les Yankees au premier rang de l'Est de l'Américaine. La taille de tous les instants entre ces deux équipes. Premier tir de Brad Street à Schley Huber, trop bas, c'est une balle. Schley Huber cette saison avec des coins pour se remarquer et deux retraits, frappe pour 265. En 49 apparitions au bâton, aucun coup de circuit et 14 points produits. Le tir de Brad Street. Balle tirée du côté gauche et cette fois-ci, il n'y a pas d'hésitation. La balle est déclarée fausse. Et ça, ça peut rater. Ça peut faire en sorte que les partisans des Aigles qui étaient ici hier vont peut-être bougonner un petit peu. Ouais, il n'y a pas eu deux décisions. Hier, on le répète, mais on l'a très bien vu sur les reprises après le match. C'était en huitième, cette fameuse manche de trois points, les Jackals. Une balle claquée tout près du troisième. Grave y a touché, la balle qui a dévié hors ligne. L'officiel au départ, Brenning, disait que cette balle était fausse. Et en faisant son mouvement, a dit non, cette balle est en jeu. Et il a dit à Pierre-Luc Laforêt, comme explication, je pointais la balle. Et Pierre-Luc ne l'a pas trouvé drôle. Malheureusement, lorsque tu as des caméras pour te filmer, bien, un mensonge, ça veut en dire long. Pendant que la balle est frappée vers Lopez, à Adrincourt qui est saisi, remet au deuxième à Cuevas, ça attend pour le troisième retrait. Après qui s'inscrit 6 et 4. Les Jackals ne marquent pas de points sur deux coups sûrs, aucune erreur et deux courants ont été laissés sur les buts. Après 4 manches complétées, Trois-Rivières 1, New Jersey 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Yogi Berra, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89. Mathieu, qu'est-ce que tu verses partout dans le studio? Du gaz, j'essaie d'attirer ma nouvelle co-animatrice puis je sais qu'elle a amené fort. Mais le premièrement, ta nouvelle co-animatrice, c'est moi. Puis tu peux me texter quand tu me cherches. Hein? Oh fuck, non, une panne de courant, je vois plus rien. M'a allumé une allumette. Ah, tu parles d'une gaffe, toi et chose. Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin, du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Rôtisserie Fusée, un secret bien gardé à la grandeur du Québec. Du poulet généreusement savoureux. Dans ses clubs, ses wraps, ses salades. Goûtez aussi aux succulentes côtes levées. J'aime le poulet fusé, servi avec une savoureuse poutine. Et avec le service au comptoir, c'est vrai que c'est pas long. Pour faire plaisir à toute la famille, je prends le spécial pour 4. Au comptoir, en livraison ou en salle à manger. Rôtisserie Fusée. Du poulet généreusement savoureux. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de cinquième manche du côté du New Jersey. Les Aigles mènent par 1. On verra le bas d'alignement, en fait, le 9e à Grave, suivi de Hurdler et Lopez, 1 et 2. Tire à l'intérieur, c'est une première balle. Eric Graves, Simon, a été privé d'un coup sûr presque certain en troisième manche. Tu t'en rappelles probablement, c'est Jared Schley Huber. Jusqu'à maintenant, de loin, le jeu défensif du match. Ah oui. Un plongeon sur sa gauche, joueur de troisième but pour priver Grave d'un coup sûr, mais ce dernier se reprend très bien, claque la balle entre le joueur d'Inter et le deuxième but. C'est un centre dès le départ pour le numéro 8. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois que les Aigles réussissent un coup sûr en tout début de manche. Et c'est le haut de l'alignement qui s'amène avec cette avance d'un point. Une très mince avance, vous comprendrez. Donc, chez les Aigles, on veut évidemment s'inscrire au tableau davantage. Ça peut devenir intéressant. Grubb est en mesure de courir. Et Hurtler et Lopez sont connus pour bien faire dans les situations comme celle-ci. Un en deux pour Hurtler. Dans ce match, je rappelle un saint en troisième. Tente l'amorti, mais la balle se dirige vers son visage où il retire son bâton. Première balle. On le répète, Anthony Claggett, l'instructeur des lanceurs des Jackals, est sur la butte. A obtenu 11 départs cette saison, 68 manches lancées. Et ce côté des Aigles, honnêtement, Brad Street est en feu sur la butte. Accorde très peu de tirs hauts. C'était dans le plan de match. Et croyez-moi que Brad Street, lorsqu'on lui annonçait qu'il se dirigeait dans l'enclos des releveurs pour les séries, ne pensait pas lancer un match numéro 5 en finale. Deux balles et aucune prise. La mortier est déposée du côté droit par Hurtler, mais elle roule dans le territoire des fausses balles. Et pour les gens qui viennent se joindre à nous ou qui sont avec nous depuis le début du reportage et qui se demandent pourquoi Rush n'est pas lanceur aujourd'hui, Rush, lanceur numéro 1, instructeur des lanceurs de l'équipe, c'est sur lui qu'on base beaucoup d'espoir. Il a lancé le match de mercredi. Nous sommes dimanche et il n'a pas encore assez de repos. Habituellement, c'est 4 jours de congé avant un départ. Demain, il aurait été correct pendant que Hurtler dépose la balle devant le marbre. Saisi par Quinn qui remet au premier à temps pour le premier retrait. Amorti, sacrifice bien fait par Hurtler qui pousse Grubb au deuxième. Oui, et il faut dire aussi que Matthew Rush ne joue pas à 100% avec cette blessure à l'épaule. Donc, dans une situation optimale, en parfaite condition, on l'aurait probablement vu, Simon. Puisque, est-ce que t'aimes mieux avoir un lanceur comme Rush qui a beaucoup d'expérience? Oui. Il a un championnat à son actif, mais avec une balle qui a très peu de mouvement. Ou un joueur comme Brad Street, qui, lui, a tout à gagner sur la butte, veut prouver son poste pour l'an prochain, après une saison en dents de scie. Je préfère avoir des joueurs en santé. Oui, à 100% ou presque. D'accord avec toi. Premier tir à Lopez, rentre à l'extérieur, c'est une balle. Brad Street, il a joué 4 fois contre les Aigles, contre les Jackals, oui, cette saison. Il a quand même 3 fois sur 4, les Aigles l'ont gagné. Une balle et aucune prise à Lopez. Il est parfait dans ce match. Il a frappé 2-5. Lopez, évidemment, on le connaît très bien. Première saison avec les Aigles a été un joueur qui a stabilisé la défensive au bâton. Il est constant, mais peu de puissance. Et on ne lui demandera pas de claquer la longue balle. Il n'en a qu'une cette saison. En prolongation contre Québec devant ses partisans, il soulève la balle du côté du champ gauche, un très, très haut ballon. Et le voltigeur va capter cette balle, mais sa face risque de tomber au sol. Au dernier moment, il a fait un bon 6 pas devant lui en accélération pour capter ce ballon. Et voilà que le deuxième retrait de cette manche est réalisé. Donc, Javier Herrera, Simon, va tenter de toucher à la balle, de la placer en lieu sûr pour la première fois aujourd'hui. 2 retraits sur 3 prises pour lui, pour un vétéran frappeur. Ce n'est pas le scénario qu'il espère dans une finale, dans un dernier match de finale. Depuis hier, Herrera est 0-6. Premier tir, bas et à l'intérieur, c'est une balle. Claggett teste beaucoup Herrera avec les balles à l'intérieur depuis le début de ce match. Brown est au cercle d'attente. Grave est au deuxième, 2 retraits. Les Aigles mènent 1-0 en début de cinquième. Le tir à l'intérieur de nouveau. Herrera plutôt a décidé à faire. Il n'a pas eu le choix de faire un petit pas de danse derrière, sinon il a été atteint par la balle. Oui. Résultat au football, le Louis-Simon des Alouettes mène 32-6 après 3 quarts. Match présenté du côté du stade Percival Molson à Montréal. 2 balles, aucune prise. Herrera s'était lancé, a hésité. Au final, c'était très peu convaincant. Première prise. cette mauvaise séquence de Herrera depuis hier, ça a peut-être créé un petit doute dans son esprit. Surtout les deux retraits au bâton pour débuter le match semblent être moins à l'aise qu'à l'habitude au marbre. 2-1. Et le tir. C'est une fausse balle du côté droit. Deuxième prise. C'est un très, très faible contact. La balle qui a touché le bout du bâton est roulée vers l'abri des aigles. .308 la moyenne de Javier Herrera avec des coureurs en position de marquer en série, Simon. En fait, il a 10 points produits en 13 apparitions au bâton. Donc, en pareille circonstance, il fait quand même très, très bien. C'est d'ailleurs lui le meneur pour les points produits dans la Ligue Can-Am. Deux balles et deux prises. Herrera. Laguette accepte. Le tir. C'est une fausse balle qui donne contre le masque du receveur. C'est une deuxième prise. Il a même perdu son masque tellement cette balle l'a atteint avec force. Contrairement à la Friends, Quinn porte un petit peu comme, on peut dire à l'ancienne, le casque par en arrière avec le masque qui est indépendant. La Friends lui porte un simili masque de gardien de but au hockey. 2-2. Un tir. La balle qui est poussée du côté droit. C'est une autre fausse balle. Ça commence à en faire quelques-unes. On va chercher des tirs face aux partants de Laguette. Exactement. Donc, environ 75 lancés, Simon. Pour un lanceur qui n'a pas vu d'action depuis un certain temps. Plus de lancers tu prends, mieux ça va. Toujours deux balles et deux prises. Deux retraits. 20 bateaux au deuxième. Let's go. C'est une troisième balle. Oh, oui, c'était prêt. Lancé peut-être un peu bas. Difficile à juger ici, comme on vous le dit depuis le début des reportages au New Jersey avec M. l'arbitre qui nous cache un peu. On n'est pas assez haut. En fait, de notre position, on ne voit pas du tout le marbre. L'arbitre et le receveur nous cachent. 3-2. Un tir. La balle qui est claquée du côté droit, cette balle perd sa manche. On va pousser que même au membre. Le relais, ce sera serré. Même Seven, l'espiel, sauf, il est sauf. Et là, ce marqué est en furie. Et les aigles prennent les mains. 2-0 est sorti du géant Carpapietra. Et sur le jeu, au deuxième, il est sauf. On n'avait pas demandé de temps d'arrêt. On dit que oui, il y a eu temps d'arrêt puisque Carpapietra. Au premier but. Et sur le jeu, c'est Herrera semble être blessé. Mais les aigles ont marqué. Mène 2-0. Il semble avoir deux joueurs blessés, en fait. Un des Jackals et un des Aigles. Herrera est debout, c'est la bonne nouvelle. Les deux trappeurs sont sur le terrain. Et là, on s'anime ici. Quelle séquence. Grave semblait être en retard. Le relais est arrivé d'avance. Oui. Mais Grave a été capable d'éviter le gant. Exactement. Il est touché au membre avec sa main. Avec sa main, oui. Wow, quelle séquence. Pasteur, est-ce qu'il était sauf, Simon? Je crois que oui. Ça, on est bien placé pour le voir, nous. Et en toute impartialité, je crois que Grave a marqué le deuxième point. Chose certaine, il est au tableau. C'est 2-0. Les partisans ici ne sont pas d'accord. Ils sont tous debout en furie contre l'officiel. On entend les huées. Oh là, les joueurs des ailes, eux, sont debout à l'abri. Plein d'énergie. Et ça pourrait être un point tournant dans le match. Et quand Herrera, lui, semble être blessé au niveau de la main gauche, lors de sa glissade au deuxième, on le répète, est allé au deuxième puisqu'il y a eu discussion au marbre entre le receveur et l'arbitre. Lui a dit « Je vais en profiter pour aller au deuxième. » Mais on a appelé le temps d'arrêt du côté des officiels. Du moins, on semble avoir appelé puisque moi, je ne l'ai pas vu. Ouais. Et on entend à nouveau encore les partisans ne pas être satisfaits. Est-ce que Herrera va être capable de poursuivre? On dit que oui. 2-0, 3-0 en début de cinquième. C'était un jeu au marbre très, très, très serré. Un bon relais. Tu vas le tueur de droite, Castro, mais Poulin n'a jamais hésité au troisième pour envoyer Grave au marbre. Et on va poursuivre. Brown va s'amener au bâton. C'est un point poisu pour Javier Herrera. Et quant à Herrera, lui, on disait que c'était plus pénible en termes de moyenne, mais mène l'équipe au chapitre des points produits. Ça lui en fait maintenant 11. Catherine Mortier est posée du côté gauche à la perfection, tout le monde est sauf! Ouais, ça se poursuit! Brown, après deux retraits, a surpris la défensive avec un amorti parfait. Le joueur de troisième but, Schley Aubert, était très loin de l'action et c'est finalement Quinn, le receveur, qui a simplement pris possession de la balle et effectué aucun relais. Le jeu Herrera avance sur deuxième. Un simple pour Brown, un troisième coup sûr dans cette manche pour les Oiseaux. Daniel Matteo se présente comme frappeur gauche. Le lancer. Balle tirée du côté droit, mais roule hors ligne. Les joueurs des Jackals devront mettre cette séquence derrière eux rapidement. Et commencer à penser à marquer les points. Bien évidemment, vous me direz qu'une avance de 2 à 0 au baseball, c'est très peu. Je vais être d'accord avec vous. Aucune balle et une prise à Matteo. Deux retraits. Retire. Très haut, tout près du visage. Première balle. Matteo, dans ce match, un coup sûr en deux. Il avait frappé un simple et sur un mauvais relais, sur une erreur, en fait, il avait atteint le deuxième. Laguette accepte. Le tir rate à l'extérieur. Deuxième balle. On connaît la puissance de Daniel Matteo en série. Deux coups de circuit et 9 points produits. On pose de Laguette. Le tir. La balle est soulevée par Matteo du côté du champ centre-droit. Et deux voitures se mènent à la balle et c'est finalement Richardson qui saisit pour le troisième retrait. Et les Aigles ont marqué un point sur trois coups sûrs, aucune erreur. Et deux pour un TLC sur les buts. On a Calfop, plutôt cette Laguette qui discute avec l'officiel, mais ça n'ira pas plus loin. On se dirige en fin de cinquième, les Aigles mènent par deux. En vous rappelant qu'en direct du Stade Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89 ans. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de cinquième manche au New Jersey. Les Aigles qui ont marqué un point en quatrième et un autre point en cinquième mènent 2 à 0 sur les Jackals qui, eux, vont amener au bâton Tim Quinn, le neuvième frappeur, suivi de Manet et de Gomez, les frappeurs 1 et 2. Quinn, on se rappelle, a frappé un double en troisième manche dans l'allée du champ centre-droit. C'est le Bradstreet sur Ella. Première prise, une et une. Bradstreet a accordé 5 coups sûrs aux frappeurs des Jackals dans ce match. Le tir. Balle qui est touchée du bâton et roule derrière. C'est une deuxième prise. Et la claque tout à l'heure de Quinn est la seule claque de deux buts des Jackals dans ce match. Une et deux. Le tir. Balle claquée du côté gauche, elle perce avant champ entre Grave et Lopez. Et voilà un 5, un deuxième coup sûr dans ce match pour Tim Quinn. Oui, un neuvième frappeur qui fait son boulot depuis le début de ce dernier match. C'est pas évident pour lui, on en parlait tout à l'heure. Vient en relève du receveur numéro 1, Caldwell, qui a une fracture au niveau du pouce. La façon que c'est arrivé, la forêt nous expliquait hier, c'est lors du deuxième match à Trois-Rivières, le receveur a reçu une balle courbe de son lanceur et de la façon qu'il a positionné son gant, la forêt nous disait en tant qu'ancien receveur, bien évidemment, nous disait que la façon qu'il a placé son gant, c'était mortel pour recevoir une balle au niveau du pouce. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On va porter Quinn dans la mêlée. Mais, comme tu le mentionnes, il fait du bon travail et c'est la bonne nouvelle. Ben oui, il se place sur les sentiers là, dès le début des deux manches à laquelle il est au bâton. Balle tirée du côté droit, mais roule hors ligne. Peter Money, lui, a déposé un amorti sacrifice en troisième et a frappé un roulant vers Matteo en première manche. On commence à s'étirer dans les enclos. Moi, dans celui des Jackals. Côté des aigles, personne ne prend des tirs. En fait, tous les releveurs sont encore à l'abri de l'équipe. Balle à claquer du côté droit, saisie par Cuevas, qui remet au deuxième point. Et au premier, attaque pour le double jeu! 4, 6, Edouard! Le deuxième double jeu de la défensive des aigles, Simon. Un très gros, la balle qui a fait un bond devant Cuevas au deuxième. A fait un 360, pardonnez-moi, fait un 360, voilà. Remet au deuxième à Lopez qui est en mouvement, touche au coussin et remet à temps à Matteo pour le deuxième retrait. Anthony Gomez sera le prochain. Frappeur droitier, un coup sûr en deux. A fait un 5 dans la première manche. Du côté de l'enclos des aigles, il n'y a pas de lanceur comme que je le mentionnais, mais la garde. Lui s'échauffe continuellement. La garde, si ça se poursuit de la sorte, pourrait facilement entrer dans le match. Oui. Si jamais, exemple, que Carranza atteint les sentiers, je parie un vieux 2$ que la garde va s'amener comme coureur suppléant. Je ne sais pas quand, cependant, la forêt pourrait faire ce changement. Exemple, que Carranza atteint les sentiers à la prochaine manche. En sixième, est-ce que tu changes ton frappeur désigné si tôt dans le match, sachant que la garde n'a pas vraiment de succès cette saison au bâton? Mais il frappe pour 1000 en série. C'est vrai. Un coup sur un. Ben oui. Le septième point produit des aigles vendredi. Écoute, Carranza a deux retraits sur des prises jusqu'à présent cet après-midi. Mais il a connu un bon match hier. Vendredi aussi quand même. Aucune balle et deux prises. Un tir. Pas et l'extérieur, première balle. Duel droitier contre droitier. Exactement le départ qu'on espérait dans le cas des aigles pour Mike Bradstreet. Un et deux. Un tir. Troisième prise sur décision. Et Jackals ne marque pas de points sur un coup sûr. Aucune erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après cinq manches complétées. Trois-Rivières 2, New Jersey 0. En vous rappelant, en camp direct du Stadio Guy Béat au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est Fou 89.1. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre. Matière noire, tous les dimanches, 19h. C'est un rendez-vous. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins? Contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de sixième manche. Les Aigles qui ont marqué un point lors de leurs 2 derniers tours au bâton, c'est 2-0 la marque. Premier tir à Cuevas, soulève un très haut ballon dans les gradins derrière le marque. On verra donc Cuevas suivi de LaFrenz et Carranza, les frappeurs 6, 7 et 8. Du côté de Cuevas, tout à l'heure, s'était blessé à l'épaule gauche lors d'un plongeon en défensive, semble être établi, claque la balle du côté gauche, saisi par Schleyhuber au troisième, qui remet à temps au premier pour le premier retrait. Cuevas qui a abandonné sur la séquence, a arrêté de courir, et voilà que le premier retrait, 5 et 3, est réalisé. La bonne nouvelle, c'est qu'il court. Oui, ses jambes sont encore en fonction, mais peut-être pas son épaule, du moins... Il a mentionné la fois qu'il était capable de poursuivre. Oui, puis il a fait un double jeu. LaFrenz est au bâton, a produit le premier point du match grâce à un ballon sacrifice au champ droit. Il est donc 0 à 1 puisqu'il avait été retiré sur un roulant au troisième en deuxième manche. Encore aujourd'hui, Louis Simon, on parle de l'assistance de combien de personnes? Hier, on a annoncé 800 personnes, donc la balle est claquée du côté gauche, elle perd sa manche. Un simple premier coup sûr dans ce match pour la Friends, cette fois après un retrait. Oui, la Friends, il avait produit le premier point des Aigles en quatrième. C'était sur un ballon sacrifice au chanson. Donc voilà une première claque en lieu sûr pour lui. Hier, ouais, ce qu'on mentionnait, 800 personnes ici, j'en doute. Cet après-midi, on parle peut-être d'un 600 personnes, mais... Encore une fois, très déçu de voir aucune fièvre des séries ici au New Jersey. Du moins, les 600 personnes qui sont ici semblent être des vrais fans des Jackals. Mais lorsqu'on fait le comparatif avec les Aigles, pendant que Carranza frappe une balle vers le joueur de la cour qui, lui, est saisi menu, remet au premier, au deuxième but, attend pour le retrait. La balle a fait un faux bond devant Marlin à la cour qui a dû saisir la balle menu au dernier moment, de très bon réflexe. A remis au deuxième, attend à Gomez pour le retrait, mais il était trop tard pour amasser une balle à double jeu. Donc, un optionnel pour Carranza, mais ça se dessinait comme une balle à double jeu. On a maintenant deux retraits au tableau pour Eric Grabe, celui qui a marqué le deuxième point de l'équipe. Donc, Carranza est le seul, Simon, qui n'a pas de coup sûr encore cet après-midi pour les Aigles. Une production très diversifiée. Il me semble qu'en sixième manche, c'est bon signe. Premier tir à Grabe, en l'air, c'est une prise. Notre jersey en éliminatoires, 734 personnes dans les gradins de moyenne à Trois-Rivières, 3519 de 2000 spectateurs de plus que les capitales de Québec qui sont deuxièmes. Tire qui rate à l'extérieur, c'est une première balle, une et une. Et j'aime bien ton expression depuis notre fin de semaine dernière à Rockland. Le baseball est le passe-temps favori des Américains. Mais lorsque les éliminatoires se pointent, parfois... Et il passe au football qui a débuté le week-end dernier. Balle frappée du côté gauche. Et cette balle est saisie par Schleyhuber qui remet au deuxième. Attends. Retrait qui s'inscrit 5 et 4. Les Aigles ont frappé un coup sûr, n'ont pas marqué de point sur aucune erreur. Et un coup a été laissé sur les buts. Après 5 manches et demie complétées, Trois-Rivières 2, New Jersey 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Yogi Berra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89.1. Mathieu, qu'est-ce que tu verses partout dans le studio? Du gaz, j'essaie d'attirer ma nouvelle co-animatrice, puis je sais qu'elle a amené un fort. Bien, premièrement, ta nouvelle co-animatrice, c'est moi, puis tu peux me texter quand tu me cherches, hein? Oh, fuck, non, une panne de courant, je vois plus rien! M'allumer une allumette. Ah, tu parles d'une gaffe, toi et chose! Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui! La SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Rôtisserie Fusée, un secret bien gardé à la grandeur du Québec. Du poulet généreusement savoureux. Dans ses clubs, ses wraps, ses salades. Goûtez aussi aux succulentes côtes levées. J'aime le poulet fusé, servi avec une savoureuse poutine. Et avec le service au comptoir, c'est vrai que c'est pas long. Pour faire plaisir à toute la famille, je prends le spécial pour quatre. Au comptoir, en livraison ou en salle à manger. Rôtisserie Fusée. Du poulet généreusement savoureux. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. C'est enfin le sixième manche au New Jersey. Les Aigles qui mènent 2-0. Une balle et une prise à Kirby Jones. Voilà une deuxième prise sur décision. Kirby Jones dans ce match 0-2. Ballon dans la droite et retrait au bâton. Lancé. À l'extérieur. Deuxième balle. Toujours personne ne prend des tirs dans l'enclos du côté des Aigles. Côté des Jackals, on semble commencer à s'activer. Très difficile de notre position de voir l'enclos, mais oui, je vous confirme, quand il y a un lanceur qui prend des tirs pendant que Kirby Jones claque une balle du côté droit, et elle fait un bond devant Herrera, c'est un simple, un premier dans ce match pour le frappeur de puissance des Jackals. Herrera qui a décidé d'être patient. Oui. Un meilleur départ aurait peut-être permis à ce dernier de capter, mais en même temps, avait personne pour le couvrir si jamais ne touchait pas à la balle. Et Kirby Jones, même si ce n'est pas un sprinteur, il aurait pu décamper jusqu'au troisième but assez facilement si ça avait été le cas. Mike Trout, quel est au bâton, 0-1 dans ce match, atteint les sentiers en première sur une erreur. Droitier contre droitier. Le tir, la balle est frappée du côté gauche, c'est saisi par Grape qui remet au deuxième point. Et au premier, attends pour le double jeu! Un autre double jeu pour les Aigles. 5, 4, et droit! Oh, Grape bien bloqué, Kirby Jones s'en mêle présentement avec Lopez et Cuevas et les joueurs s'amènent autour. Les bancs ne se sont pas vidés encore, mais Kirby Jones en avait long à dire à Cuevas au deuxième. On sent un petit peu de frustration présentement du côté des Jackals. C'est Lopez qui discute avec Kirby Jones qui lui rentre à l'abri. Oh, deux retraits. Bon jeu de Grave au troisième pour bloquer cette balle. Remorcer une balle à double jeu. Une troisième dans ce match pour les Aigles. 6-4-3, 4-6-3 et maintenant 5-4-3. On parle des roulants hein, de Mike Bradstreet. Présentement, on saute sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? C'est Richardson, les bases vides présentement au New Jersey. Et c'est qui? C'est Cuevas qui est en feu. C'est Herrera qui est le premier dans le tas, les bases vides. Et on a pas de bataille présentement, mais tout le monde est au rendez-vous. Nous sommes à l'avant-champ présentement, tout juste à côté du Mondicule et du troisième but. Oh! C'est une bataille de mots présentement. Richardson et Herrera ne semblaient pas s'entendre bien, bien. Mais on va rentrer rapidement à l'abri. Une position très difficile, vous comprendrez, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit. Pendant que l'instructeur au premier, les Jackals retournent à sa place avec la garde qui l'accompagne. Ça, eux, ça semble être plus de la politesse qu'autre chose. Mais c'est quatre fois Pietra qui s'en mêle présentement. Ouais, là, ça. C'est... Oh, il y a beaucoup d'action sur le terrain. Là, on est très rare qu'on voit ça au baseball. Il y a du monde partout sur le terrain. On discute entre Lopez. Et un des lanceurs des Jackals s'amène près de lui. Il s'est passé quelque chose, Simon, entre Kirby Jones des Jackals et Cuevas des Aigles. Par après, c'est Richardson des Jackals qui est sorti de l'abri et qui a invectivé un joueur de Trois-Rivières. Et là, par la suite, c'est ça, les marques se sont vidées. Quel impact ça aura sur la suite du match? Écoutez, les Jackals ont tenté évidemment de déstabiliser les Aigles qui, eux, doivent demeurer concentrés. Oui, mais peut-être qu'un joueur des Aigles aussi a dit quelque chose. Évidemment, on est loin de l'action, mais... Et les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est dit, bien, lisez le texte de Louis Simon demain dans le Nouvelliste. On va être à reprendre. Castro est au bâton, deux retraits face à Mike Brastwick. Tout le monde est rentré à sa place. Et on va poursuivre le match. On aura droit à toute une fin de match pour ce ultime match de la finale de la Ligue Can-Am. Fin de sixième, trois revient mène par deux. Premier tir de Brastwick, trop bas, c'est une balle. En termes de match présenté à la radio, Louis-Simon, je crois que c'est la première fois cette saison que les bancs se vident. Dans un match présenté à l'antenne de CFOU 89-1, pendant que la balle est plaquée du côté gauche, fausse balle, première prise. Je me souviens de l'an dernier, lors de la première année contre Québec, parfois ça s'était allumé un petit peu. Je me souviens de Leverett, notamment, c'était contre Schmetzer, je crois. Une balle et une prise. Balle soulevée du côté droit. Cette balle qui va dévier dans les gradins. On ajoutera une deuxième prise au tableau. Brastwick a une seule prise. Aller chercher un troisième retrait. Il laisse le temps à ses joueurs défensifs de se replacer sur le terrain. Un et deux. Cible à l'extérieur. Et le tir. La balle est frappée à l'avant-champ. Grave saisi. Lance une flèche au premier. Attaque pour le troisième retrait. C'était pas évident de réaliser ce jeu. C'est un très gros jeu. Puisque la balle a été claquée un bond au sol. Elle a fait un très haut bond dans les airs. Grave a dû attendre qu'elle retombe. Et par la suite, décoche une bombe au premier. Et les Jackals n'ont pas marqué de points sur un coup sûr, aucune erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après six manches complétées, Trois-Rivières 2, New Jersey 0. En vous rappelant, quart direct du Stadio Guy Béra au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles assez fou 89 ans. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de septième manche au New Jersey, les Aigles mènent par deux. Et on a un nouveau lanceur sur la butte pour les Jackals, c'est Gabriel Perez. Perez, en saison régulière, 2.90 de moyenne de points mérités. 8 victoires, 4 défaites s'affichent. Il est habituellement un lanceur partant. Oui. Avec un match aussi déterminant, on l'utilise en relève. A obtenu 18 départs cette saison, lancé 108 manches et 2 tiers. 109 retraits au bâton contre seulement 41 buts sur balle. Il est très dominant habituellement. C'est lui qui a lancé le match numéro 2 à Trois-Rivières jeudi. Et déjà, avec seulement 3 jours de repos, on le revoit sur la butte. Évidemment, ce sera probablement une petite sortie. J'ignore la stratégie de Kalfa Pietran. Mais chose certaine, Perez devra affronter le haut d'alignement, puisqu'on verra au bâton Hurtler, Lopez et Herrera, les frappeurs 1, 2 et 3. On est prêt pour cette septième manche. On s'approche de plus en plus du dénouement de cette saison 2015. Le premier tir à Hurtler est une prise sur décision. Hurtler dans ce match 1 en 2 a également déposé une amortie sacrifice en cinquième manche. Le lancer. Bas et à l'intérieur, première balle, une et une. Matteo et Grabe ont croisé le marbre. LaFrenz et Herrera ont obtenu des points produits. Une et une. Et le tir. Par les frapper du côté droit, saisi par le joueur au deuxième but, qui est Gomez. Il remet au premier à temps à Trollcad pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. Michael Bradstreet vient. C'est lui qui va être de retour en septième manche, puisque personne prend des tirs dans l'enclos. Et Bradstreet, seulement 74 lancés jusqu'à maintenant. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Puisque Tlaggett a quitté avec plus de 90 tirs au compteur. Avec toutes les balles à double jeu, évidemment, ça facilite le travail de Bradstreet. Prise sur décision. Lopez, 2 en 3 dans ce match, simple en première et simple en troisième. A commis une erreur en début de match en défensive, mais s'est très bien rattrapé par la suite. Je peux maintenant vous donner la fiche complète du partant de Tlaggett pour les Jackals en 6 manches de travail. Il a accordé 2 points, 9 coups sûrs, aucun but sur balle et réalisé 4 retraits au bâton. 0 et 2. Le lancer. Oh, et à l'extérieur, première balle. On salue tous les gens qui nous écoutent cet après-midi. Vous êtes plusieurs depuis la Syrie à Ottawa en fin de campagne pour savoir est-ce que les Aigles participent aux Syries à nous écouter. Le match était présenté hier du côté de la petite grenouille. Même chose cet après-midi au bar BDN. On nous a même dit que les matchs étaient présentés dans les autobus de la STTR. C'est donc dire que la ville est vraiment baseball présentement et on vous remercie d'être à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Nous avons présenté plus de 70 parties cet été à la radio. Pour une première année à l'antenne de CIFU, je crois qu'on peut dire mission accomplie. Une balle et deux prises. À Lopez. Le lancer. Trop haut. Deuxième balle. Herrera est au cercle d'attente. 9 coups sûrs pour les Aigles, 7 pour les Jackals. 2 à 0, 3 Rivières en début de 7e. Cible à l'extérieur. Un tir. Appelle une troisième balle. Très bien jugé par le vétéran Lopez. Qui joue encore une fois cet après-midi devant son fan club. Oui, son fan club. J'allais dire famille, peut-être ami. On n'a pas été plus loin pour chercher l'information. Ben écoute, ta famille, c'est toujours un peu des membres de ton fan club, hein, mon cher Simon. Habituellement, mais Lopez est un joueur qui a joué au baseball ici aux États-Unis pendant une bonne partie de sa carrière. On se souvient qu'à Montréal, à Sainte-Thérèse, lors des matchs au concours, avait la famille avec lui. Est-ce qu'il y a la famille également dans le coin de New York, peut-être? On sait que Cuevas aussi a beaucoup de famille ici. La balle est tirée du côté droit. C'est une flèche captée par Trollcar au premier pour le deuxième retrait. Une flèche le long de la ligne. Trollcar a dû se déplacer vers sa gauche pour capter. Une flèche avec pas beaucoup de vélocité. Non, c'est ça. Pas un jeu aussi beau que celui de Schley Huber au troisième but en troisième manche contre Eric Grabe. Mais quand même, ça fait le travail. Le retrait est maintenant Herrera au bâton. Premier tir de Perez. Prise sur décision. On a eu plus de détails pendant la pause de l'altercation qui a mené aux deux équipes à vider les bancs tout à l'heure. Oui. Kirby Jones a causé de l'obstruction, évidemment, sur José Cuevas. Il est entré en contact avec lui sur la balle à double jeu de Mark Trelkell. Évidemment, Kirby Jones tentait de gagner le deuxième but. Donc, quand Grabe a remis au deuxième pour épingler Kirby Jones compléter le premier retrait, ben, il semble y avoir un contact assez sérieux quand même entre les deux joueurs. Et par après, on a remis la balle au premier. Du champ droit, Javier Herrera a dit sa façon de passer à Kirby Jones. Il s'amenait d'ailleurs en courant, il voulait l'invectiver. On n'a pas apprécié du côté des Jackals. Et c'est Richardson, entre autres, qui est sorti de l'abri pour interpeller Herrera. Et là, les bancs se sont vidés. Donc, beaucoup d'intensité, sinon, ça fait quelques fois que ça arrive avec les Jackals depuis le début des séries. Une et deux à Herrera. Il a déjà deux rétro bâtons dans ce match. Un simple point produit. Il dépose la balle du côté droit. C'est une fausse balle au-delà des gradins. On a une terrasse déménagée ici du côté droit. En fait, la façon dont le stade est fait, lorsqu'on rentre sur le site, nous sommes au niveau... En fait, nous sommes au point le plus élevé du stade. Et le stade est creusé ici au New Jersey. Et on a une terrasse aménagée du côté droit, haut de la colline. Pendant que la balle est frappée au champ centre par Herrera, Richardson recule et saisit cette balle pour le troisième retrait. Une manche parfaite en défensive pour les Jackals. On se dirige en fin de septième avec une avance de 2-0 pour les Aigles. En vous rappelant qu'en direct du Stade Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des oiseaux. Assez fou 89. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Que ce soit pour des réparations de portes et fenêtres de tout genre ou que ce soit pour des remplacements de pièces et un service à la clientèle personnalisé hors pair, le Centre de réparation portes et fenêtres est disponible pour vous. Au 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine ou contactez-les au 819-375-3666. Le Centre de réparation portes et fenêtres, le connaisseur de vos besoins. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en fin de septième manche au New Jersey. Le partant Brad Street vient de tirer un 75e tir et c'est une prise pour le premier frappeur de la manche, c'est Matt Helms, suivi de Richardson et le Schley Aubert, les frappeurs 6, 7 et 8. Oh. Mais il vient d'être atteint. La suite a échappé un tir à l'intérieur. Et il place un coup sur les sentiers, aucun retrait. Et là, la question présentement, on vient de recevoir la visite du directeur général René Martin sur la galerie de presse. Et ma première question était la suivante. Qu'est-ce que tu fais avec tes lanceurs? Bien sûr, c'est la forêt qui dirige au banc. Monsieur Martin n'a aucun pouvoir présentement dans le match. Qui est-ce qu'on va amener du côté des Aigles? On croyait que Rush pourrait peut-être lancer une manche. Ce n'est pas le cas, mais c'est présentement Scott Kuzminski qui commence à prendre des tirs dans l'entre-là. Kuzminski qui a très bien fait dans le match numéro 3. Ce sera très stressant cette fin de match avec deux seuls points d'avance pour les Aigles. Une balle, plutôt deux prises maintenant à Richardson. Il vient de frapper une fausse balle. Lui, il est 1 en 2 dans cette partie. Il a été retiré au bâton en deuxième. Il frappait un 5 en quatrième. On répète, la seule plaque de plus d'un but dans ce match pour les Jackals a été faite par Tim Quinn en troisième manche. Zéro et deux. Ensuite, remet au premier. Évidemment, pour les Aigles, la balle à double jeu, ce serait une quatrième dans le match. Ce serait très, très bien vu. Oui. Sur certains, on a la confiance pour réaliser ce type de jeu aujourd'hui. Richardson est très rapide. Celui qui est au bâton. Le lancer. Bas et l'extérieur. Première balle, 1 et 2. Pour ceux et celles qui viennent tout juste de s'intoniser, c'est fou 89.1 FM. Je vous invite à rester avec nous. Nous sommes en fin de septième manche de ce cinquième et ultime match de la série finale de la Ligue Canam. Pendant que Grabe saisit et échappe la balle au troisième, tout le monde se rassemble. Ah, la jonglée avec la balle, Grabe, malheureusement, contre son corps, n'a pas été en mesure de bien la contrôler. Là, on a deux coureurs sur les buts et pas de retrait pour le bas de l'alignement. Et voilà, une deuxième erreur pour les Aigles dans ce match. Oh là, ça va peut-être se gâter. On s'amène tout le monde sur la butte. Rush également, l'instructeur des lanceurs, va se présenter. On doit opter d'une bonne stratégie du côté des Aigles, empêcher là, les Jackals de continuer à faire progresser l'attaque. Avec Shrey Hubert, le huitième frappeur qui va s'amener. Lui, il est 0 en 2, deux balles frappées au sol vers Lopez dans ce match. Mais du côté des Jackals, on a beaucoup de rapidité présentement sur les sentiers avec Helms et Richardson. Donc un frappeur atteint et une erreur en fin de match. C'est une grosse situation à gérer pour les Aigles et leur défensive. Rashid va poursuivre. Rush va rentrer à l'abri. Et Jared Schreiber, comme que je le mentionnais, lui va se placer dans le rectangle des frappeurs droitiers. Le vent qui pousse cette fois du champ droit vers le troisième but présentement. Le lancer de Bradstreet, on dépose la mortier du côté gauche, saisi par Bradstreet, qui met au troisième, et on a épinglé le coureur! Quel bon jeu, Bradstreet, qui épingle Helms au troisième, on a maintenant un retrait, et un coureur au deuxième et au premier. Et Matt Helms, qui a donné un coup sur le coussin avec son casque, n'était vraiment pas heureux. Il a raison. On rate ici une belle occasion du côté des Jackals de faire avancer les coureurs. Évidemment, c'était le but lorsque Shrey Hubert a réalisé cet amorti. Au lieu de cela, on a un joueur au deuxième et un joueur au premier. On se retrouve dans la même situation, mais avec un retrait. C'est à ce moment-ci qu'on se rend compte que le système à quatre officiels en série est très important, puisque sinon, on avait l'officiel au deuxième qui aurait dû déclarer le coureur a tiré. Mais en ayant trois officiels, en plus d'un officiel au marbre, il y en avait un au troisième pour être certain d'appeler la bonne décision. Un retrait. Très beau jeu de Bradstreet qui n'a pas paniqué. Fait un 360 pour lui-même pour saisir cet amorti de Shrey Hubert pour remettre à Gray par la suite. Le tir trop bas. Deuxième balle à Tim Quinn. Écoute, on doit retirer Tim Quinn là, cette fois-ci. Un double et un simple pour le 9e frappeur du New Jersey. C'est beaucoup trop quand on connaît ses statistiques offensives en saison et en série. On ne peut pas se permettre de revenir avec le haut de l'alignement et encore une menace et un seul retrait. Lui, il s'amène au bâton avec confiance, cependant. C'est le Bradstreet. Mal tiré du côté gauche, mais hors ligne, c'est une première prise au tableau. Une chance que c'était hors ligne. Défensive des Aigles doit être extrêmement alerte présentement. Puisqu'avec Richardson très rapide au deuxième, on pourrait peut-être venir marquer un premier point dans ce match pour le New Jersey. Let's-y. Fausse balle qui roule derrière. Deuxième prise, 2 et 2. Quinn, cette saison, avec un coup en position de marqué, frappe pour 0 en 10 occasions. Un seul point produit. Let's-y. Rate à l'extérieur, troisième balle. Prochain tir. Avec un compte complet, vous comprendrez qu'il sera assez déterminant puisqu'on pourrait peut-être remplir les sentiers du côté des Jackals avec le haut de l'alignement qui s'en viendrait par la suite. Ouais, Bradstreet n'a pas le choix de lancer une prise ici, Simon. Tu dois faire confiance à des défensifs pour le prochain jeu. Le lancer! Rate à l'intérieur, c'est une quatrième balle! Décision importante à prendre pour le personnel d'entraîneur. Est-ce qu'on laisse Bradstreet dans la mêlée? Oh, on l'amène Kuzmenski. Ne semble pas bouger à l'abri des Aigles. Rush qui encourage Bradstreet. Et on lui fera confiance pour affronter Peter Money. Le match pourrait prendre une autre tournure dans les prochaines minutes. Et Rush qui fait signe à l'enclos d'accélérer le réchauffement. C'est peut-être le dernier frappeur que va affronter Bradstreet dans ce match. On lui fait confiance. Un retrait, fin de septième. Les Aigles mènent par deux, mais les Jackals ont les sentiers tous occupés. Un tir qui rate à l'extérieur, c'est une balle. Richardson est au troisième. Schleyever est au deuxième. Et Quinn est au premier. On n'a aucun coup sûr dans cette manche pour le New Jersey, mais les sentiers tous occupés. Frappeur atteint. Erreur optionnelle et but sur balle. Une balle et aucune prise à Marnay, un retrait. Bradstreet accepte. Un tir. La balle qui est frappée en hauteur du côté du champ centre. Brown recule et va capter cette balle pour le deuxième retrait. Mais du troisième, Richardson croise le membre. C'est maintenant 2-1 la marque. Et la foule réagit au stade de Guy Béran. On encourage l'équipe locale. C'est un point produit pour Marnay sur le jeu. Le coureur au deuxième, Schleuber, est demeuré sur son coussin puisque Brown n'avait aucune intention de lancer au marbre. A préféré, enfin, il a fait le beau jeu en lançant Lopez à l'arrêt court pour être certain que personne s'en aille au troisième. Et on va amener Anthony Gomez au bâton près de deux retraits. Et toujours des coups en poussant de marquer, cette fois, il est au deuxième. Dans cette partie pour Gomez, un simple. Il est donc 1 en 3. Bradstreet accepte le signal. Le tir rate le coin extérieur. C'est une première balle. Peu importe ce qu'il arrive dans cette manche, on devra s'en rappeler au terme de la partie. On joue gros présentement d'un côté comme de l'autre. Lancé. Prise sur décision. Une première, une et une. Le tir bas qui... n'était pas tentant pour Gomez sur le jeu. Gomez en saison avec deux retraits et un poussin de marqué frappe pour 250. En 32 apparitions au bâton, aucun coup de circuit et 10 points produits. La balle est poussée du côté droit, mais c'est une fausse balle. Tout juste par-dessus la seule loge ici située au Stadio Guy Béran. La loge de Yogi? Oui, elle a été vide tout au long de cette finale. Dommage, on aurait bien aimé le rencontrer. Mais on a son musée hein, qu'on aurait pu visiter. Oui, M. Béra qui a son propre musée, évidemment, a même le parc qui porte son nom. Celui qui a dit « c'est pas fini, tant que c'est pas fini », n'aurait jamais si bien dit. Une et deux. Balle frappée, mal avant-champ, saisi par Cuevas qui va remettre au premier. Attends pour le troisième retrait. On met fin à la menace contre la défensive des Aigles. Le retrait qui s'inscrit 4 et 3. Les Jackals marquent un point dans cette manche sur aucun coup sûr, une erreur et deux pour un télécé sur les buts. Après sept manches complétées, Trois-Rivières 2, New Jersey 1. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guy Béran au New Jersey, vous écoutez la baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en début de huitième manche du côté du New Jersey, les Jackals qui ont marqué un premier point dans ce match grâce à un ballon sacrifice de Peter Monin. 2-1, Trois-Rivières. Louis-Simon, nous aurons toute une fin de match. Oh oui, ça promet. Quelle rencontre. Je me répète, mais tous les matchs, ou presque, sont serrés en série du côté des Aigles. C'est ça qui fait la beauté d'un sport et d'une fin de championnat. Le suspense qui durera jusqu'à la toute fin. Premier tir à Steve Brown, fend l'air. On le rappelle, Gabriel Perez amorce une deuxième manche sur la butte, lui venu en relève du partant Anthony Claggett. Oui, il a été parfait en septième. Pour ce qui est de Steve Brown, il a un coup sûr, c'était un amorti sacrifice qui s'est finalement transformé, oui, en coup sûr. Il claque un très très faible ballon à l'avant-champ, facilement capté par le joueur de premier but, Claggett pour le premier retrait. Très décevant cette présence au bâton de Brown. Qui doit retourner à l'abri. Et on va amener Daniel Matteo au bâton. Matteo dans ce match. Un coup sûr en 3, un point marqué. Perez accepte. Cible à l'intérieur. Et la balle est soulevée par-dessus le marbre et les estrades. C'est une fausse balle. Derrière nous. Matteo, finalement, Simon, on a vraiment corrigé la situation. C'est un double qui l'a frappé en quatrième, donc il n'y a pas eu d'erreur d'accorder. Oui, on a changé. Au joueur de premier but, Mark Trelkeld. Parce que tout à l'heure, les Jackals avaient une erreur au tableau pendant qu'on soulève un autre faible ballon à l'avant-champ. Cette fois, c'est le joueur de deuxième but, Gomez, qui recule dans le gazon et capte facilement pour le deuxième retrait. Oui, donc on a retiré les six derniers frappeurs des Aigles. On le répète, Perez qui est un partant. Lui, ça mène en relève aujourd'hui avec un match aussi important. Du côté des Aigles, Kuzminski continue de prendre des tirs. C'est probablement lui là, qui va s'amener en huitième. Le lancer. Oh, et à l'intérieur, c'est une première balle. Et évidemment, du côté des Aigles, mené par un lorsque tu es l'équipe visiteuse, ça peut parfois être dangereux. Tire de nouveau trop haut, deuxième balle, puisqu'on le sait, c'est l'équipe locale qui termine au bâton. Neuf coups sûrs pour les Aigles, sept pour les Jackals. Perez accepte le signal. Le lancer. À l'intérieur, Cuevas n'a pas été atteint, mais la balle a roulé jusqu'au mur derrière. Oui, ça a passé entre lui et le receveur. Il est passé très près d'être atteint. On vient d'avoir l'effet de la balle contre le muret. Ici, on doit faire attention puisque, exemple, qu'il y a des coureurs sur des buts, la balle qui revient très vite au receveur, contrairement à Fernand Bédard où on a un matelas derrière qui fait en sorte que la balle reste emprisonnée très loin du mal. Trois balles et aucune prise. Alors, Cuevas, deux retraits, personne sur les sentiers. Lancé. On a une première prise sur décision, la rapide, très, très basse. Donc, c'est dommage, Simon, quand même, ces deux retraits de Brown et Matteo assez rapidement en huitième parce qu'ils représentent le cœur de l'alignement et avec une avance d'un seul point, évidemment, chez les Aigles, on aimerait ajouter au moins un point, sinon deux, voire trois. C'est une deuxième prise sur décision de compte complet maintenant à José Cuevas. Le lancer. Un autre très faible ballon à l'avant-champ, cette fois vers le joueur d'arrêt-court qui capte cette balle pour le troisième retrait. Perez qui effectue du bon travail sur la butte. Demi-manche parfait en défensive pour les Jackals. On se dirige en fin de huitième avec une avance de 2-1 pour Trois-Rivières. En vous rappelant qu'en direct du Stadio Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de huitième manche au New Jersey. Beaucoup de fébrilité dans les gardiens sur la galerie de presse présentement. Et j'imagine qu'il y en a également beaucoup au banc des deux équipes. Et on a un changement de lanceur du côté des Aigles. Le match terminé pour le partant Brad Sweet qui a été sensationnel. Et on laisse maintenant la place au lanceur droitier numéro 44, Scott Kuzminski. Oui, ce sera sa troisième sortie des séries. En trois manches lancées, trois retraits sur des prises et deux coups sûrs accordés, dont un long double à A.J. Kirby Jones, son premier client en huitième manche, Simon. Oui, Kirby Jones, lui, dans ce match, 1 à 3. Ça fait un simple en sixième. La peut-être bonne nouvelle pour les Aigles, c'est que Kirby Jones est le premier frappeur. Si jamais il claque la balle très loin, au pire, ça pourrait être un point. 2 à 1, Trois-Rivières, fin de huitième. Quelle fin de match à laquelle nous aurons droit. Métier de Kuzminski, prise sur décision. C'était la balle rapide. Le vent qui avantage Kirby Jones présentement du premier vers le champ centre-gauche. Le tir de Kuzminski, sur la deuxième prise. Encore une fois, la balle rapide qui cette fois était au goût de Jones qui a fendu l'air. Rapidement en avance, Kuzminski. On en parlait à Jones en série, 303 de moyenne. Deux longues balles et quatre points produits. On retourne à l'extérieur. Et la balle est touchée. C'est un ballon du côté du territoire des fausses balles. Il y a de la place pour Matteo qui s'amène. Mais finalement, non. Non, il n'y avait pas de place finalement. La balle qui a dévié avec l'avant. Et a dévié de l'autre côté de la petite colline là, chez les jeunes partisans qui s'arrachent la balle. Voilà. On a 7-8 jeunes partisans qui tentaient de capter cette fausse balle de Kirby Jones. Donc ça reste à 0-2. Cette fameuse colline hein, au champ droit où les jeunes s'amusent et les parents peuvent regarder tranquillement le match. Aucune balle et deux prises à Kirby Jones. Aucun retrait, personne sur les sentiers. On appelle une première balle. Le tir était... Elle est en plein cœur du marbre, mais trop bas. Pendant ce temps, David Leblanc, lui, prend des tirs dans l'enclos si jamais Kuzminski connaît rapidement des difficultés. On a également un lanceur droitier qui prend des tirs dans l'enclos. Balle touchée et qui dévie derrière le marbre. Toujours deux prises, c'est une fausse balle. On en parlait tout à l'heure, 106e match de baseball des Aigles cet été. Il reste une manche et demie aux manches réglementaires. Une et deux. Le tir. La balle est claquée en hauteur par Kirby Jones du côté gauche. Hurtler s'avance à la balle et va capter. Oui. Bien fait pour le premier retrait. Très beau catch d'Hurtler. Toute une course là-dessus. Très difficile à négocier ce ballon claqué haut, oui, mais vraiment là, entre l'espace réservé au voltigeur de gauche et le troisième but. C'était un très bon élan de Kirby Jones, mais la balle a touché le bout du bâton. Écoute, une chance qu'elle a frappé le bout du bâton parce que, comme tu dis, l'élan, là, c'est un élan des majeurs, ça. Et Hurtler a dû courir très loin, tout près de la ligne de démarcation, derrière le troisième but. Un retrait. Et on amène le quatrième frappeur d'alignement, Mark Trelkett, au bâton. Dans ce match pour Trailcad, 0-2. Atteint les sentiers en première manche sur une erreur. Le premier tir est une prise au coin extérieur. Il a été impliqué dans une balle à double jeu en sixième manche. Oui, un double jeu 5, 4 et 3. C'est un des trois double jeux du frappeur des Jackals dans cette rencontre jusqu'à maintenant. Serait là, deuxième prise. Cette saison, les Jackals, lorsqu'ils marquent le premier point, 36 et 18, ils ne l'ont pas marqué ce soir. Ça pourrait peut-être jouer à l'avantage des Aigles. Aucune balle et deux prises. Le lancer. Trop bon. Première balle. Et les Jackals, cette saison, lorsqu'ils tirent de l'arrière après 7 manches, le scénario dans ce moment, 3 victoires, 35 défaites. Une et deux. Le lancer. La balle soulevée du côté droit, mais elle va dévier chez les spectateurs. Encore, cette fameuse colline. Oui, c'est ça. Et John va avoir beaucoup de balles pour s'amuser d'ici la fin du match. 9 coups sûrs pour les Aigles, 7 pour les Jackals. 2-1 la marque. Personne sur les sentiers. Un retrait. La France déplace à l'extérieur. Et le tir. Troisième prise sur décision. Sur le coin extérieur, s'il vous plaît, Monsieur Kuzmetsky. C'était, comme tu le mentionnes, à la limite. De la limite. Oh! Il se débarrasse des frappeurs 3 et 4 des Jackals dans l'ordre. Mais là, c'est Leandro Castro qui s'amène. Castro est dû pour frapper la balle en lieu sûr. Si on se fie à ses statistiques depuis le début des séries, si on se fie à ses statistiques en saison, un frappeur de double, un joueur rapide une fois rendu sur les sentiers. Oui, Castro, c'est lui qui a la meilleure moyenne en saison chez les Jackals, 322. Et c'est lui qui a le plus de buts volés avec 21. Et c'est également lui qui a le plus de doubles avec 23 et le plus de triples avec 5. Pour vous dire à quel point il est un joueur important dans la formation du New Jersey. On va tenter d'amorcer une attaque après deux retraits. Lancé. Rate à l'extérieur, première balle, une et une. Du côté des Aigles, tout à l'heure en 9e, on verra le bas d'alignement au bâton, la friend du Carenza et Grabe. Une et une, deux retraits. La balle qui est frappée vers Lopez qui se déplace en mouvement vers mettre au premier. Attends pour le troisième retrait. Retrait qui s'inscrit, 6 et 3. Manche parfaite pour Kuzmetsky, Simon. C'est au tour des Aigles d'être parfait en défensive. Et on se dirige en début de 9e, restez les nôtres. En vous appelant en direct du Salut Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89 ans. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Que ce soit pour des réparations de portes et fenêtres de tout genre ou que ce soit pour des remplacements de pièces et un service à la clientèle personnalisé hors pair, le Centre de réparation portes et fenêtres est disponible pour vous. Au 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine ou contactez-les au 819-375-3666. Le Centre de réparation portes et fenêtres, le connaisseur de vos besoins. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. voici en début de 9e manche du New Jersey, les Aigles qui mènent par 1, mais ce match est très loin d'être terminé. Et Louis Simon amène le releveur numéro 1 du côté du New Jersey, c'est Hector Nello. Oui, c'est la chose à faire pour le gérant des Jackals, Joe Calfapietra, Simon. Nello en série, ce sera son 7e match. Moyenne de points mérités à 1,50. Il a perdu une rencontre. Il entreprendra sa 7e manche au Monticule depuis le début de ses séries. Il n'a que 2 retraits sur des prises et 8 buts sur balle. Donc, manque de contrôle un peu, mais Nello, on le sait, il est bon pour s'en sortir quand il se met dans le trouble. Donc, évidemment, le but ici, c'est de retirer les joueurs des Aigles dans l'ordre. Depuis la fameuse altercation, en fait, en fin de 6e manche, Simon, les Aigles n'ont rien fait qui vaille au bâton. Ils ont été retirés dans l'ordre en 7e et en 8e. Beaucoup de ballons, de faibles ballons, entre autres, au champ intérieur. Donc, ce sera peut-être le moment, justement, d'instaurer une attaque dans ce tour. Une avance de 2-1, c'est très mince. C'est Kyle LaFrance qui aura la chance de frapper en premier pour les Aigles. LaFrance a produit le premier point de l'équipe sur un ballon sacrifice qui avait permis à Mathéo de croiser le marbre. 2-1 les Aigles, début de 9e. Premier tir de Nello, c'est une prise sur décision. 1-3 pour la Friends en ce match. Oui, un point produit. Un ballon sacrifice en 4e qui donnait l'avance aux Aigles 1-0. L'autre point produit, il appartient à Javier Herrera. C'est Eric Grade qui l'avait marqué. Le lancer. Trop haut. Première balle. Qu'est-ce qu'on fera du côté de la forêt? Je vois Downing commencer à prendre des tirs dans l'enclos. Kuzminski. Valiquette Leblanc ou Downing, c'est des choix de la forêt présentement. Il y a Alvarez aussi, mais lui a flanché hier. Ce serait surprenant de le voir. Alvarez connaît des moments difficiles contre les Jackals. Downing qui a flanché à 3 reprises en série aussi. Beaucoup de questionnements à savoir de Downing. Est-il capable de lancer avec un seul point d'avance? Il a flanché 3 fois, comme je le mentionne. Une décision qui pourrait avoir un impact assez considérable. 2 balles et une prise de la France. Un tir. Rate à l'extérieur, 3e balle. Tu en parlais des chiffres de Nello en série. Oui. On doit être patient du côté des Aigles, même si la balle arrive assez rapidement avec ce releveur numéro 1. On n'a pas de radar ici pour vous divulguer la vitesse des tirs. Mais ça peut être très intéressant. Twine, balle soulevée derrière le marbre. Dans les gradins, compte complet, la France. La France, cette saison, employée comme premier frappeur d'une manche. Seulement 156 de moyenne. En 45 apparitions au bâton, il a seulement 2 buts sur balle. Très, très longue pause. Donnella accepte le 3e signal. Un tir. Oh, et à l'extérieur, c'est une 4e balle. Situation souhaitée pour les Aigles avec aucun retrait et un coureur au premier. 2e fois seulement dans le match. Les Aigles placent leur premier frappeur sur les buts. La France n'est pas le plus rapide, mais n'est pas le plus lent non plus. Évidemment, on ne peut remplacer la France par la garde puisqu'on veut la France derrière le marbre en 9e, vous comprendrez. Joel Carenza au bâton. Si lui, toutefois, atteint les sentiers, on va voir la garde comme coureur suppléant. Il dépose l'amorti devant lanceur qui lui va remettre au 2e. Ce sera serré, mais il a retiré. Mauvaise amortie par Carenza qui empêche la progression de l'attaque. C'est dommage. Il n'a pas fait le boulot là-dessus. Carenza connaît un match difficile. Et voilà, on voit la garde qui va s'amener dans le match. Évidemment, le scénario n'était pas d'amener la garde puisqu'on souhaitait un amorti sacrifice ou que Carenza a été retiré. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que la garde peut en donner beaucoup plus avec ses 2 pieds sur les sentiers que Carenza. Et à 2-1 pour les Aigles, tu te dois d'exploiter cette facette de la rapidité de Sacha Lagarde. Quelle mauvaise amortie de Carenza. Il a déposé un roulant jusqu'au lanceur presque. Lui était mort de rire, a saisi la balle et remis facilement au 2e. Ce n'était même pas serré. Grabe est au bâton, un retrait. La garde est au premier. Sera-t-il en tentative de vol? Voyons voir. Lancé. Trop haut, c'est une balle. On va attendre probablement là, dans le compte, voir si Nello continue de lancer des balles ou des prises. sacrifice. Si jamais la garde réussit à voler le deuxième, bien, ce serait le même scénario qu'un amorti sacrifice. Le tir bas et à l'extérieur, deuxième bas. Drake dans cette partie, 1-1-3, frapper un simple et marquer un point en cinquième. Très longue pause. Danilo, on a vu Tlaguette dans ce match comme partant. On a vu Perez, un partant en relève. Et on voit le releveur numéro 1. On demande un temps d'arrêt dans le cas de Grape, voyant la situation s'allonger. On voyait Downing tout à l'heure prendre des tirs. On voit maintenant Valiquet prendre des lancers. En fait, Downing et Valiquet prennent des tirs présentement. Qui on amènera en 9e, un droitier ou un gaucher? Grape reçoit une troisième balle. 3 et 0. Évidemment. Vous assurez que Grape n'aura pas le droit de s'élancer sur le prochain tir. Ce serait très surprenant. Même un lancer de balle molle, je pense qu'il ne pourrait pas. Le lancer. Le tir, on appelle une prise sur décision. C'est à la limite du coin extérieur. 2 à 1 les Aigles, le début de 9e. Cinquième et ultime match de cette série finale de la Ligue Can-Am. Les Aigles tentent de remporter un premier championnat de leur courte histoire et les Jackals, eux, dernier championnat, remontent à 2004. La garde est en course et c'est une quatrième balle. Les Aigles ont maintenant deux coureurs sur les sentiers et un seul retrait. Et le coureur le plus rapide de l'équipe en position de marquer. Ouais. Ça, c'est la grosse nouvelle de ce début de 9e manche pour Trois-Rivières. Voilà le haut de l'alignement qui est de retour, Simon, avec Craig Hurtler et dans le cercle d'attente, c'est Pedro Lopez. Un coup sûr en 3 avec un amorti sacrifice pour Hurtler dans ce match. Hurtler, frappeur gaucher contre le droitier Nello. Sur la dernière séquence, la garde n'a jamais regardé c'était quoi le tir au marbre. Il a plongé. Il était seul au monde, c'était une quatrième balle. Exactement, il a tout donné là-dessus. Premier tir à Hurtler, trop haut, c'est une balle. Et voyant le manque de contrôle, son lanceur, Quinn, va aller discuter avec Nello sur la butte. Un 9e but sur balle accordé par Nello dans ces séries. Écoute, c'est beaucoup de passes gratuites pour un releveur numéro 1. Évidemment, on parle du fait que les Aigles, oui, ont de la misère à identifier Simon, un spécialiste de la 8e et un meilleur releveur, mais les Jackals ont eu quelques ennuis aussi à ce chapitre-là. Une balle et aucune prise à Hurtler. Un retrait. La garde est au deuxième. Greg est au premier. Le tir. La balle qui est frappée au champ centre. Richardson qui se tasse un petit peu et saisit cette balle pour le deuxième retrait. C'est une balle frappée en flèche au champ centre, mais pratiquement directement sur Richardson qui a capté facilement. C'est dommage, on n'a pas été en mesure de faire avancer la garde et c'était le but. Mais Pedro Lopez, on le sait, avec des simples au champ opposé, est en mesure de produire de l'attaque. Il en a fait plusieurs des frappes opportunes au champ droit cette saison. On l'a vu faire aussi en série. Ce serait vraiment le moment souhaité ici. Là. Lopez avec deux retraits. Il y a un coup en position de marquer cette saison. Frappe pour 2 et 182. Ça lance le premier tir et voilà cette balle au champ droit. Mais Lovatija va s'amener et capter la balle pour le troisième retrait. Les Aigles n'ont pas marqué sur aucun coup sûr, aucune erreur et deux qui ont été laissés sur les buts. Après 8 manches et demie complétées, 3 reviennent par 1. En vous rappelant qu'en direct du Stade Guibera au New Jersey, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89 ans. Mathieu, qu'est-ce que tu verses partout dans le studio? Du gaz, j'essaie d'attirer ma nouvelle co-animatrice puis je sais qu'elle a amené un fort. Mais le premièrement, ta nouvelle co-animatrice, c'est moi. Puis tu peux me texter quand tu me cherches. Oh fuck, non, une panne de courant, je vois plus rien. M'allumer une allumette. Ah, tu parles d'une gaffe, toi et chose. Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. SAQ présente en collaboration avec la Banque nationale et la financière Banque nationale le 24e Salon des vins de Trois-Rivières. Le vendredi 25 septembre au CAPS Léopold Gagnon de l'UQTR, billets en vente à la SAQ et sur le site web uqtr.ca/salon-des-vins. Rôtisserie Fusée, un secret bien gardé à la grandeur du Québec. Du poulet généreusement savoureux. Dans ses clubs, ses wraps, ses salades. Goûtez aussi aux succulentes côtes levées. J'aime le poulet fusé, servi avec une savoureuse poutine. Et avec le service au comptoir, c'est vrai que c'est pas long. Pour faire plaisir à toute la famille, je prends le spécial pour quatre. Au comptoir, en livraison ou en salle à manger. Rôtisserie Fusée, du poulet généreusement savoureux. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de 9e manche, Matt Helms est le premier frappeur des Jackals, sera suivi de Rich Churchin et de Schleyhuber. Et Scott Kuzminski va amorcer une deuxième manche sur la butte pendant que Downing et Valiquette prennent des tirs dans l'entre-là. Matt Helms, il est 2-2, il a aussi été atteint. Balle frappée à l'avant-champ, Lopez attaque cette balle, la saisie, alors le premier! Attends pour le premier entrain! Quel jeu de Pedro Lopez, le meilleur joueur défensif des Aigles, Simon! Oh, c'était pas facile, la balle a touché le sol, fait un trait au bon derrière la butte, Lopez a attaqué la balle, la saisie, et c'était très serré au premier. Et voilà le retrait 4 et 3 qui est réalisé, les Aigles sont à deux retraits de mettre la main sur un championnat. Mais un seul point d'avance, ça peut changer à tout moment. Von Richardson est au bâton. Tout à l'heure, Kuzminski a retiré dans l'ordre les trois frappeurs à s'amener contre lui en huitième. Et Richardson est au bâton, un coup sûr en deux. A marqué un point, en fait, a marqué le seul point de l'équipe alors qu'il avait atteint les sentiers sur une erreur. Premier tir de Kuzminski. Non, c'est une balle. Le tir qui semblait au coin extérieur, mais l'officiel a décidé autrement. Personne sur les sentiers. Cible de nouveau à l'extérieur. Et on appelle une prise sur décision. On entend les partisans ici. Ça, c'est tous des partisans des Aigles. Il y en a quand même quelques représentants, Simon. Beaucoup de membres de famille, évidemment, de l'équipe aussi, des équipes, du gérant Pierre-Luc Laforêt. Dans la frappée du côté droit. Saisi par quoi? Vers son deuxième qui remet à temps. Amateo pour le deuxième retrait. Les Aigles sont à un retrait de remporter le championnat. Retrait 4 et 3. Le dernier espoir, les Jackals, c'est Jared Schleyhuber. Qui n'a toujours pas de coup sûr cet après-midi. Oh là, c'est un scénario plutôt intéressant pour les Aigles. Et dans le cas de Schleyhuber, on va regarder ses statistiques en saison. Il a 5 longues balles, 53 points produits, 22 doubles, est capable de frapper la balle très loin, ce Schleyhuber. Duel droitier contre droitier. Kuzminski accepte. Et le tir. Voilà une prise sur décision. Un bon lancer, c'était bas. Sur le coin, pas sur le coin tout à fait, Simon, mais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aucune balle et une prise. Deux retraits. Fin de 9e, les Eggman par un personne sur les sentiers. Kuzminski accepte. Et le tir. Voilà une deuxième prise sur décision. C'était sensiblement au même endroit. Donc Kuzminski contrôle très bien cette partie du rectangle de la zone des prises. Les partisans des Aigles sont debout ici. Les partisans du New Jersey sont plutôt tranquilles. Une seule prise, un seul retrait sépare les Aigles d'un championnat. 0 et 2. Kuzminski accepte. Le lancer. Troisième prise! C'est terminé! Les Aigles remportent le premier championnat de leur histoire grâce à une victoire de 2 à 1 face aux Jackals! Qui l'eût cru? Incroyable! Ils ont remporté deux matchs décisifs sur la route. Les Aigles de Trois-Rivières viennent de battre les Jackals qui s'inclinent en finale pour une cinquième année de suite. Wow! Fesse-toi sur le terrain, tout le monde est sur le but de Kuzminski qui va avoir de la misère à respirer présentement. Un premier championnat pour les Aigles! comme tu le mentionnes, qui l'eût cru à la fin juillet, Louis Simon? Cette équipe n'a jamais abandonné. Cette équipe est devenue une équipe, Simon. Au début du mois d'août, quand le gérant Pierre-Luc Laforêt, justement, a mis les points sur les i, les barres sur les t, par après, c'est devenu une équipe puissante en attaque, solide en défensive, avec de très bons lanceurs partants. On l'a vu ce soir, le cinquième partant des Aigles, Mike Grastrick, qui connaît toute une sortie face aux Jackals qui jouent à domicile. Wow! On va prendre une petite pause pour se mettre de tout ça en vous rappelant que les Aigles sont les nouveaux champions de la Ligue Can-Am. Vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Champlour, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Ah, ce que c'est beau à voir sur le terrain, on jette la douche d'eau froide. Je n'ai pas vu sur qui, mais Laforêt qui est très heureux présentement. C'est sur Laforêt justement qu'on a renversé cette cruche de Gatorade. Les Aigles remportent ce cinquième ulti de match par la marque de 2 à 1. Quel match de baseball, Louis-Simon, a-t-on eu droit aujourd'hui? Incroyable! Un match dont on va se rappeler longtemps, Simon. Un match amplement disputé, comme presque tout ses parties des Aigles de Trois-Rivières en série. Ils ont tellement bien joué, les Aigles, depuis un mois et deux semaines. Tous les membres des autres organisations nous le disaient quand on s'entretenait avec eux. Vous avez la meilleure équipe de la Ligue Can-Am. Je ne crois pas que personne ne va vous arrêter. Rappelle-toi des commentaires du gérant des Boulders de Rockland, oui, Jamie Keefe, qui disait « Qui va les arrêter? » Les Capitals et les Jackals ne peuvent pas battre les Aigles de Trois-Rivières. On a eu la confirmation cet après-midi au stade Yogi Berra de Little Falls au New Jersey que cette équipe avait réussi un des plus beaux retours peut-être de l'histoire de la Ligue Can-Am, certainement dans le baseball indépendant, professionnel, cette année en Amérique du Nord. Wow! Quel match de baseball! Les Aigles ont eu chaud, d'avance d'un seul point en 9e. C'est jamais l'idéal, mais Kuzminski a gardé son sang-froid, retiré les frappeurs dans l'ordre des Jackals. Que dire, Louis-Simon, du départ de Mike Bradstreet? Un départ fumant. Écoute, 3 balles à double jeu. On sait que Bradstreet, il est bon justement pour compromettre les autres frappeurs avec des roulants. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. On a quand même tenu en échec là, d'excellents frappeurs. Il y a beaucoup de joueurs chez les Jackals qui affichaient une moyenne au bâton de 300 et plus. On avait une attaque diversifiée, peut-être même un peu plus que celle des Aigles. Mais on a été en mesure de remporter ce match avec un cinquième partant. C'est tout à fait incroyable ce qui s'est passé ici, Simon. Wow, quel match, quelle façon de terminer cette saison. Les Aigles sont les nouveaux champions de la Ligue Can-Am, gain de 2 à 1. Et Louis-Simon, que dire que d'autres, comme tu le mentionnais, qui l'aurait cru à la fin juillet, les Aigles se dirigeaient un petit peu vers n'importe où, se dirigeaient vers une cinquième place. Et depuis à août, l'équipe n'a pas perdu une série. Et comme l'expression de plusieurs, notamment notre collègue Nicolas Ducharme, qui arrête un train? Et au final, personne ne l'a arrêté. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que la défaite la défaite de jeudi soir au Centre Bell dans le deuxième match, elle a fait très mal. Les Jackals avaient marqué 5 points dans les manches 8 et 9 devant 4000 personnes. Hier, les Jackals, qui marquent 3 points encore en 8e sur un jeu un peu controversé de l'arbitre au troisième coussin, Kurt Brennan, Les Aigles auraient pu s'effondrer après autant de malchance dans les situations corsées en fin de rencontre. Mais non, ils sont revenus plus forts aujourd'hui et ils ont muselé l'attaque des Jackals. On parle d'un club soudé, Simon. Ces joueurs-là, ce sont des gagnants pour le reste de leur vie. Présentement, on va remettre le trophée des champions aux joueurs des Aigles qui sont tous devant le marbre. Et cette gang de gars-là le mérite amplement pour les avoir côtoyés depuis longtemps. Ils se sont ressaisis. Une équipe au départ qui était une équipe un petit peu plus individuelle, il faut l'avouer, avec quelques joueurs, pendant que La Forêt va aller saisir la coupe. Photo d'équipe avec l'assistant commissaire du circuit, René Martin, directeur général, s'amène lui aussi pour recevoir ce trophée. Et on voit Martin donner une accolade à son gérant. On le rappelle, La Forêt, c'est sa dernière année de contrat. Et je crois que ce championnat va l'inciter à revenir et aux Aigles, même chose, de lui donner une prolongation. Et ça change toute la dynamique chez les Aigles de Trois-Rivières aussi. Désormais, on va pouvoir attirer des joueurs en leur disant « Regardez, nous avons remporté un championnat en 2015. » On a plusieurs joueurs de la République dominicaine qui apprécient l'ambiance à Trois-Rivières, qui aiment passer leur été ici. Alors, si vous êtes intéressés, nous, on l'est. Présentez-vous au camp et on verra si vous avez les aptitudes. Les Aigles vont avoir peut-être probablement plus de facilité à faire du recrutement aux États-Unis aussi. Et voilà, on donne la bannière des champions aux joueurs, le trophée également. Une bannière qu'on retrouvera assurément au stade de Fernand Bédard à compter de l'an prochain. Et Louis-Simon, toi, tu vas nous quitter, tu vas aller aux Échos de Bessier rencontrer les joueurs. Merci beaucoup pour ton travail. Merci, Simon, ça a été la saison. Ça a été un honneur de travailler avec toi et ça a été une première année, évidemment, à l'analyse, un premier championnat aussi. Alors, c'est l'heure de la photo d'équipe, Louis-Simon. Merci encore une fois, c'était la première année qu'on travaillait ensemble et j'ose croire que nous serons de nouveau réunis l'an prochain pour une autre saison du baseball des Aigles. Merci à tous les auditeurs aussi qui ont synchronisé C'est fou 89.1 durant toute la campagne. Et je me fais le porte-parole aussi de mes collègues au nouveliste Vincent Gauthier et Nicolas Duchamp qui ont travaillé avec nous durant tout l'été, Simon. Voilà, merci beaucoup Louis-Simon. Et de mon côté, je vous rappelle la marque finale du match. Les Aigles emportent 2-1. Brad Street, le lanceur gagnant. Glaguette, le lanceur perdant. Kuzminski qui va récolter le sauvetage. Les Aigles qui sont les nouveaux champions en titre de la Ligue Can-Am. Et le succès de Boulders de Rockland qui ont remporté le titre l'an dernier ici même au Stade Yogi Berra contre les Jackals du New Jersey. Et en terminant, bien, je tiens à remercier tout le monde qui nous a écoutés cette saison. Une première saison à l'antenne des C'est fou 89.1 qui se termine avec un championnat. J'aimerais remercier plusieurs personnes, notamment M. Jean-Philippe Charbonneau qui, dès le départ, a cru au projet directeur général de la station. Mathieu Plante à la réalisation qui, lui, n'a pas raté un match, a fait du très bon travail. À mes côtés, Nicolas Duchamp, Vincent Gauthier, Louis-Simon Gauthier qui ont travaillé à l'analyse, qui ont fait eux aussi de l'excellent travail. Que dire de M. René Martin qui, dès le départ, m'a fait confiance lui aussi pour ce poste de descripteur des matchs des Aigles pour notre deuxième année de suite. C'est un privilège d'avoir été avec vous pendant tous ces matchs, plus de 70 à la radio cet été. Et l'entente avec C'est fou va se poursuivre pour les deux prochaines années encore. Et plusieurs personnes aussi que j'aimerais remercier. Hugues Marcille qui travaille avec moi aux communications marketing de l'équipe, qui a fait lui aussi un très bon travail. Et que dire des partisans des Aigles? Ils ont été les meilleurs du circuit en série. Plus de 14 000 personnes en seulement 4 matchs se sont présentées au stade Fernand Bédard pendant que c'est la fête présentement sur le terrain. Et en terminant, il me reste simplement qu'à vous dire un énorme merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Et on se dit à l'an prochain pour une autre saison des Aigles à C'est fou 89.1. Hey, j'ai pas rien que ça à faire, pardon. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide, madame? Hey, vous seriez bien gentil, monsieur, mais comment vous remercier? Est-ce que ça vous tente d'animer la radio? Ben là, mais hein? Embarquez! À son âge requis, here we come! À son âge requis, avec Mathieu Plante et Tania Baudin, du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. À son âge requis pour toi aujourd'hui! Venez!